Ici Maxime Tremblay de L'Épée Légendaire. Vous écoutez C'est juste un autre podcast avec Luc Desormeaux, Annick Bélanger, Simon Lefebvre et Éric Chamberlain. Ajustez vos écouteurs et montez le volume. Ça commence maintenant. Bienvenue au 8e épisode de C'est juste un autre podcast. Aujourd'hui, j'ai encore avec moi Simon Lefebvre. Salutations. Annick Bélanger. Bonjour. Il va y avoir Éric Chamberlain qui va se joindre à nous un peu plus tard. Pour vous, ça va être comme un peu transparent parce qu'on va l'embarquer plus tard dans une autre section. Mais si vous ne l'entendez pas commenter, c'est pas parce qu'il est gêné, c'est parce que présentement, il n'est pas là. Et il y a moi aussi, Luc Desormeaux, qui parle toujours, qui se présente presque jamais, mais en tout cas. Fait que, on va commencer ce soir. Simon va nous parler d'animé. Alors Simon, je te donne la parole tout de suite. Merci bien, Luc. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour ma chronique animée. La intro que vous venez d'entendre est Trip, Innocent of Deep, réalisé par Larval Stage Planning pour les intéressés. C'est un groupe japonais quand même s'ils ont un nom anglais. Là. Un nom vraiment anglais. Ouais. Oui, oui. C'est la chanson intro de l'anime High School DxD. Donc c'est DxD pour ceux qui veulent faire une recherche Google, là, qui selon moi peut signifier la grosseur de poitrine des plantureuses dames. Je vois les yeux de Luc. OK. De ce court animé, bon, de 12 épisodes, et là je vois les yeux d'Annick. Toutefois intéressant. D'accord. Ce podcast est classé M. Dérivé du manga créé par Ichie Ishibumi. D'accord. Okay. Et je ne le prononce pas. Non, c'est bon. Peux-tu l'appeler? On était super bon, ce crabon. Ça donne des points. Alors, l'histoire tourne autour d'un jeune homme nommé Issei Hyodo. On voit tout de suite qu'il est vraiment l'ado typique en rut, là. C'est pas une 100 watts, disons. OK. En tout cas, il sait de quoi il parle. Et voilà. Il est dans sa deuxième année de secondaire. Donc, encore puceau, il se fait courtiser par une jolie jeune fille qui lui demande d'être son petit copain d'emblée. Tout de suite, paf, il sait pas, waouh, ma première blonde, première date. Fait que là, ben justement, ils s'en vont à la passer de leur première date, qui semble vraiment, là, donc ce qu'on a de plus banal. On dirait que c'est ce qui se répète dans les tous les animés japonais et autres. Puis là, ben la fille, elle semble vraiment bien s'amuser. Pour nous autres, ça a l'air peut-être ennuyeux, disons, là. Puis là, ben lui, il trippe bien raide, là, c'est incroyable, il est aux anges, lui, là. Fait que là, vers la fin de la date, elle lui dit « Tu sais ce que j'aimerais? » Puis là, ben lui, il pense qu'elle veut l'embrasser. Mais là, elle lui dit plutôt « Pourrais-tu mourir pour moi? » Puis là, j'ai-tu bien compris? Puis là, elle se transforme, pouf, et blanc, il se fait trucider par la fille de son premier rendez-vous à vie. C'est plate, hein? Wow! Premier et dernier. Un premier et dernier. Alors, une chance que, bon, il est dans un animé. Oui. Il se fait réincarner par une gentille demoiselle nommée Rias Grégory. Selon lui, sa perception, c'est la beauté numéro un du campus où est-ce qu'il va à l'école. Puis elle lui dévoile, là, dorénavant, il fait partie de la famille des démons, donc du clan Grégory, puis qui doit maintenant être son serviteur. Okay. Alors voilà un peu la prémisse de l'histoire de ce que c'est High School D&D. Là. Okay. Je ne suis pas pire que ça change, puis qu'elle tue, puis qu'il y ait une histoire en arrière de ça, parce que ça va l'air d'un American Pie japonais quand tu commences ça. Ça va assez vite. Hein? Bon, ça va au camp musical? Hey! Oh, je vais être traversière. Alors, c'est ça. Ce que j'aime bien de cet animé, c'est que les démons semblent être les gentils. Ah, OK. OK. Donc, on retrouve trois factions distinctes. Peut-être qu'on en retrouve plus au niveau du manga en tant que tel, mais au niveau de l'animé, c'est vraiment ceux-là qui sortent. Là. Soit les démons, les anges, évidemment, et les anges déchus, qui, eux, ont perdu des faveurs de Dieu et sont déchus. Et ils essaient de se repentir en tuant des démons afin de revenir au rang d'anges. Okay. Donc, si on comprend un peu, c'est qu'on a anges et anges déchus contre démons. Mais démons sont supposés être bons, donc anges et anges déchus seraient les méchants. Ce serait ça. Et puis, okay. Les anges n'acceptent pas les anges déchus parce qu'ils ont failli à leur tâche, parce qu'ils ont eu des pensées impures et autres. Ils doivent être déchus. Hey, c'est chaud. Ce qui m'a accroché aussi, c'est vraiment le système de combat. Il est basé sur les jeux d'échecs. OK. Non, je suis pas un geek, là. J'ai pas encore battu Deep Blue, là, de IBM, là. Ça m'aurait surpris. Alors, Rias Grégory se trouve donc dans son clan à être, elle, c'est la pièce maîtresse, le roi. Elle a, donc, un petit groupe composé d'une reine, elle a une tour, elle a un cavalier, il lui manque juste un fou. On pourrait donc, à ce moment-là, penser à Issé comme étant le personnage principal, qu'on se dit, ah, ça va être lui le fou, si on suit la logique. Mais non, lui, c'est le pion. OK, pire que le fou. Fait que là, ben évidemment, comme il est nouveau, son niveau, dans le fond, dans l'entrée du jeu, est très basique. Mais à mesure que les épisodes se déroulent, on constate que, comme pour un jeu d'échecs, lorsqu'on arrive à occuper le territoire ennemi avec un pion, c'est-à-dire la dernière ligne de l'échiquier, ben le pion peut faire une promotion. Il peut être promu. Et tu as le choix, dans le fond, de devenir aussi fort qu'un fou, un cavalier, une tour, puis même la reine, si tu veux. OK. Donc, c'est là que l'histoire tourne, puis ça fait un bon petit mélange des deux ensemble, là. C'était pour ça que je voulais en parler dans cette petite chronique-là. Côté look, ça a l'air de quoi? Tu te comparais à quoi? C'est-tu classique, ouais, japonais, là, ouais, un peu à la Naruto? Ou plus les personnages sont plus réalistes que Naruto qui sont, non, un peu cartoon? C'est vraiment cartoon? Oui, c'est vraiment cartoon comme moi j'aime. OK. Mais c'est ça. Donc oui, ce serait plus proche de Naruto, là. OK, ça ressemble un peu à Naruto. Okay. Oui, si j'avais à nommer un type, dans le fond, pour l'animé, je le classerais donc harem. Puis les types harem au niveau des animés, ben c'est ça, on a un gars principal. Puis évidemment, cinq petites mademoiselles. C'est ça, hey, en général, cinq Power Rangers. Elle écoute. Alors bref, pour ceux qui sont habitués, ben il n'y a pas de problème. Pour les autres, ben oui, on voit des seins nus. Ça fait partie du thème de ça. Par contre, il y a des versions censurées selon l'endroit où ce que les gens peuvent se le procurer. Il y a certaines chaînes de télévision où eux font de la censure. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc, c'est à vous de le découvrir. Mais en général, ici, ben comme je vous... Prenez-le vraiment avec un grain de sel, là, parce que c'est pas... C'est pas du hardcore. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment regardable, là. On n'a pas besoin de mettre ça à 18 ou à 16. Là. C'est ça, il y avait une question aussi que je me posais, puis je pense que tu dois pas savoir la réponse parce que tu l'écoutais toi en japonais. Mais Naruto, Télétoon présentait deux versions différentes. Une version le matin ou sur l'heure du souper. Okay. Puis il y avait une version qui était classée 8 ans et plus qui jouait le soir. C'était les mêmes animés. 8 ans ou 18 ans? Non, il me semble que c'était 8 ans. Ou c'était... Mais c'était 8 c'était ans plus. Le soir. Ouais, mais c'était plus âgé. OK. Puis. Mais un peu comme les Simpsons. Ouais, mais les Simpsons aussi, t'avais une version mature, puis on comprenait pas. Ouais, mais les Simpsons, ils présentent exactement le même épisode à 6h le soir qu'à 9h le soir. Puis à 6h, c'est rien pareil. Écrit, puis à 8h le soir, à 9h le soir, c'est marqué 8+. Mm-hmm. Mais 8. Mais, ouais, c'est ça. Mais je sais pas, mais je sais que Naruto, il y avait deux versions différentes. Il y avait une version qui jouait à Télétoon la nuit. Puis il y a une version qui jouait sur l'heure du souper, puis ça n'avait pas l'air être la même version. Il avait l'air à dire que c'est une version non censurée. C'est juste plus violent. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être la version que toi, tu regardes, vu que tu regardes les mangas japonais directement. Puis c'était peut-être une version plus censurée en après-midi ou le matin, je sais pas. Là. Je peux pas te dire vraiment. Okay. Non, vraiment là, t'as touché une corde, là, mais moi, c'est ça. Ce que je pense, c'est pour les parents qui sont plus sensibles à la violence et autres, que 8 plus au moins pour dire, bon, ben, notre enfant est rendu assez apte à pouvoir regarder des animés. Ouais. Mais c'est ça. Okay. Non, je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi il y avait ces deux versions-là. J'ai jamais regardé le même animé deux fois, une fois en après-midi, puis une fois le soir. J'ai probablement eu ma réponse en voyant, il y a peut-être plus de sang, il y a peut-être du sang qu'il n'y en avait pas, c'est ou il y a peut-être des scènes qui ont coupé parce qu'ils jugeaient trop violent, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, la télévision québécoise, les animés. Il n'y en a pas gros. Même Naruto, ça a pris le bord. Je pense que ça ne l'a même plus joué. J'ai pas vu ça passer à Télétoon depuis des lunes. Mais on va revenir à ton Il n'y a aucun problème. Donc, c'est ça, comme je disais, ben, prenez ça avec un grain de sel pour laisser vraiment la place au scénario, comme je disais, que moi j'ai aimé. Puis en plus, c'est ça, c'est vraiment un petit, c'est 12 épisodes, je pense pas qu'ils vont faire vraiment une suite. Et puis oui, croyez-moi, j'ai vu pire en cette matière-là. Fait que c'est 12 épisodes, puis c'est terminé. C'est ça. OK. OK, puis présentement, c'est ça, ils planifiaient pas de faire une suite, mais ça peut arriver comme plus tard à la George Lucas qui décide de faire une suite. Ou de revenir, puis de rajouter des effets spéciaux. Ils sont libres, si ça l'a bien pogné, surtout au niveau des DVD, qui, justement, je voulais en parler, c'est que l'animé est maintenant licencié en Amérique du Nord par, évidemment, le Funimation Entertainment. OK. Donc, pour ceux qui veulent se les procurer, là, c'est disponible. C'est disponible en anglais la saison entière. C'est cela. Pas de piste française, j'imagine? Non. Non. Non, mais des fois, en France, ils traduisent, c'est peut-être un plus grand marché. Puis on est chanceux, les pistes s'en viennent ici, mais il y a des choses que non. Puis des fois, c'est ça, c'est vraiment, si tu veux, tu vas devoir les faire importer. De France. Parce que justement, Funimation a les droits, puis des fois, il va aller chercher les droits jusque même au Canada, pas juste aux États-Unis. OK. Bon, les droits complets, là. Fait que c'est cela. Fait que moi, je me dis que pour 12 épisodes... faire importer. Mais c'est sûr que pour les personnes pour qui ils sont challengés un peu en anglais, c'est comprenable. Ouais. Ça, ouais, mais c'est sinon, ça. Écoutez, c'est léger, c'est agréable, c'est quelque chose qui passe bien. Mais il y a d'autres animés aussi qui peuvent bien remplir votre petit 20 minutes là, de fixe. Mm-hmm. Alors, je vous en dis pas plus, à vous de le découvrir. Parfait. Donc, si on continue, on va retourner maintenant un peu plus dans le rétro. D'accord. Merci à Michel Fafard. Ah, t'as pris sa, sa suggestion. Ben oui, ben lors du dernier podcast, c'est ça, j'ai parlé d'Animé de l'espace, qui je crois semble avoir animé une flamme. Oh, animé. Pour certains d'entre vous. Quel jeu de mots incroyable. Ouh. Je prends donc quelques minutes pour vous parler d'une série qui a précédé Albator. OK. Ça s'appelle en japonais, en fait, je crois que le titre c'était Space Battleship Yamato, ou encore Star Blazer pour la version doublée en anglais. Okay. Ça arrive souvent qu'ils vont changer le titre. Mais bon, faut faire avec. Est-ce que c'est-tu les mêmes personnages? Oh oui. C'est la même chose, c'est juste qu'ils vont doubler en anglais. Non, je parle pour... Tu dis c'est le précurseur de l'Albator. Tu vas voir. OK. Je vais te l'expliquer. Je suis un grand impatient. Alors, c'est un animé de science-fiction basé aussi sur un vaisseau de l'espace, créé en 1973. Une belle date, une belle année. Je sais non, pas. Pas du tout. Ah, non. D'accord. Non, moi, c'est 2 ans avant. Ah, toi, c'est 2 ans avant? OK. Par le producteur Yoshinobu Nishizaki. OK. D'accord. Tout débute en l'an 2099 avec une race extraterrestre connue sous le nom de Gamilon. Encore là, c'est Gamila, mais Gamilon, c'est le nom pour la doublure anglais. OK. Qui vont les appeler, là, au niveau de Star Blazer. Il relâche des bombes radioactives sur la Terre, rendant la surface inhabitable afin de la coloniser. Hein, évidemment, c'est ce qu'on a vu dernièrement aussi. C'est quoi? C'était Battlefield, Battle Los Angeles? À peu près le même principe. Donc, l'humanité n'a d'autre choix que de se réfugier sous Terre, mais la radioactivité fait lentement son effet, prédisant l'extinction de la race d'ici moins d'un an. OK. Fait que c'est un peu ça que ça commence. Donc, la flotte de l'espace de la Terre essaie de combattre, mais est facilement renversée par les Gamilons. Tout semble perdu jusqu'à ce qu'une capsule comportant un message envoyé par un vaisseau de l'espace qui a été détruit est découvert sur Mars. La capsule contient un plan pour créer un moteur plus rapide que la lumière offert par la reine Starsha de la planète Iskandar. Je ne suis pas sûr des prononciations. Corrigez-moi si je me trompe, si vous êtes capable. Mais... Non, c'est correct. Elle dit que sur leur planète en fait, ils ont un appareil nommé Nettoyeur Cosmique D, donc Cosmo DNA, okay. Okay, qui va nettoyer la Terre des impuretés et radiations. Donc, wouhou, l'espoir est là! OK, on va nettoyer. C'est ça. Donc, les Terriens secrètement construisent un gigantesque vaisseau à partir des ruines du vaisseau de combat japonais Yamato. OK. D'où le nom. Utilisant les directives du plan venu de la reine Starsha, ils équipent le vaisseau du moteur qu'ils appellent Wave Motion Engine. OK. Ainsi qu'une arme puissante, le fusil Wave Motion Gun. Okay. Il y avait de l'imagination, mais non. Pas besoin de parler du reste. Donc, c'est ça. La série montre la santé du capitaine, en fait, due aux radiations, peut-être, qui se détériore et autres. Un jeune gamin, lui, va devenir plus mature et donc au rang d'officier plus tard. Il y a même une histoire d'amour. C'est une longue série, là. Il y en a quand même pas pire, là. OK. Et aussi introduire le capitaine Harlock, qui, ça, c'est le nom japonais pour Albator. Albator. Comme un personnage de nouvelle série. Ils ont pris quelques bribes d'épisodes, en fait, pour en faire un film. Okay. Puis ça, c'est, je crois que c'est Space Cruiser. Okay. Sorti au Japon en 77, il a connu plus de succès à sa sortie que Star Wars. Là-bas. Oh, OK, là-bas. Okay. Ça te donne une idée. C'est assez énorme. Ils ont fait un jeu d'arcade aussi qui a vu le jour, là, on s'en doutait bien, là, et autres. Sûrement d'autres dérivés. Là. Ça fait que c'était un bon point à en parler. C'était gros, au Japon, c'était quelque chose. Oh, oui. Donc, si on revient aujourd'hui à notre époque, par contre, en décembre 2010, une adaptation cinématographique a vu le jour, maintenant disponible en DVD et Blu-ray. Il dure quand même 131 minutes. OK. OK, puis ils l'ont fait avec un budget de 24 millions de dollars, pour ceux qui vraiment sont mordus et qui voudraient le voir. Là. Est-ce qu'il a été bien reçu au Japon? Sûrement pas. Ben, Space Battleship Yamato a été numéro 1 au box-office japonais, déboutant Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie. OK, fait que c'est un film qui a été fait au Japon par ouais. les Japonais. Mm-hmm. Donc, c'est disponible ici? On peut sûrement se le procurer. J'ai pas été jusqu'à faire cette recherche-là, voir si on peut l'avoir ici. Mais selon moi, oui, si c'est en DVD Blu-ray, peut-être que quelqu'un l'aurait acheté la licence. Sinon, ben, on doit l'importer. Là. Puis de toute façon, ça devrait jouer ici parce que c'est le même zonage, je pense, pour le Japon que pour le Canada. Que le, oui. NTFS. Ouais, ça, puis la zone. C'est vrai que les Blu-ray sont dézonés, fait que ça devrait jouer ici. Mm-hmm. Mais c'est... Vu que c'était en 2010, mais aujourd'hui, on pourrait peut-être l'avoir. C'est-tu un film qui a été fait en animation ou c'est un film fait avec des acteurs? Avec des acteurs. OK. Ça a reçu les bonnes critiques pour les Japonais. Ben, comme je te dis, ils ont battu la première semaine de sortie Harry Potter, mais quand même, parce que Harry Potter, c'est gros, là. Ouais, mais ça, Star Wars épisode 1 a été super gros au cinéma, puis tout le monde bâche dessus. Non, fait que, je veux dire, ça aurait pu être pareil. Tu peux pas comparer à Star Wars. Non, mais ça aurait pu être pareil. Tu vas juste dire Star Wars, les rouleaux de papier de toilette, puis tout le monde va se garocher dessus, même s'ils vont dire tu vas voir des Jar Jar dessus, ils vont se faire plaisir. Ouais. Tu sais, tu comprends, fait que tu peux pas. Là, mais non, mais t'aurais pu avoir un engouement, tout le monde se sont garochés là-bas pour le voir, puis ont tout sorti dessus. Mais c'est ça, ça a été bien reçu, ouais. Ça a été un succès là-bas. Mais regarde, c'est sûr que ça a été bien reçu, mais il y a eu quand même, tu sais, comme dans toute chose, comme ici, là, il y a des critiques négatives qui, oh ouais, qui eux, ont comparé ça à « Ah, oh, ils veulent faire un remake de Battlestar Galactica ». Ouais. C'est sûr que, bon, pour moi, j'aime bien avoir ma propre critique, tel John Carter dont je te disais, ouais, justement, ouais. Que moi, je vous suggère d'aller le voir, là. Vraiment, j'ai bien aimé. Donc, je me fais fi des critiques, puis je suis allé le voir, puis c'est pas le film de l'année, là, mais il est bon. C'est ça. Tu sais, fait que les effets spéciaux, l'histoire, c'est j'ai embarqué, là. C'est le genre de film, faut pas que t'aies avec trop d'attentes. Faut juste que tu te laisses... embarquer dans l'histoire. Mais avec un budget de 24 millions, tu sais, c'est ça, là. Mais ça s'annonce pour être un flop majeur pour Disney, là. Parce que je pense qu'ils ont fait... Ah, tu parles de John Carter, ouais, oui, je te oui. parlais de... Mais de l'autre, le... ouais, oui, de l'autre film. On a bifurqué un peu. Oh oui, mais... C'est ça. Ça reste que quand même, j'ai contribué à payer pour John Carter, puis ça me dérange pas. J'en suis pas fier, mais c'est correct, là. C'est correct. J'ai pas perdu mon temps là-bas, tu okay. comprends? Comme Vanilla Sky de Tom Cruise. Que... Yes. Tu sais, okay. tu comprends? Oh, oui. Bon. Et bien d'autres films. C'est cela. Bon, les animés sont terminés. OK, parfait. Avant de vous laisser, je voulais vraiment faire un petit retour obscur dans nos MMO en faisant un bref retour sur Star Wars The Old Republic. OK. OK, pourquoi? Ben, parce que sans payer plus par mois, les développeurs ont fait une mise à jour pour les gens qui sont déjà les chanceux, bon, niveau 50. On n'est pas là. 21, mais faut avouer qu'on a recommencé, nous autres. Sinon, on serait probablement rendu à 30. Ben, on serait peut-être rendu au niveau 30. Pas sûr, mais Bref, mais, on est 4 jours. J'ai recommencé. Ouais, c'est ça. On a recommencé, puis pour expliquer pourquoi, quand on a commencé, on voulait s'en aller chacun, on joue des sites. Moi, je voulais avoir un sabre double, puis à un moment donné, quand tu bifurques, puis tu choisis ta spécialisation pour ton personnage, on n'a pas choisi le bon. Fait que je me suis ramassé avec deux sabres au lieu d'un sabre double. Fait que là, à un moment donné, Simon m'a dit, bah, ça te tente-tu de recommencer, d'avoir le personnage vraiment que tu veux? On est reparti à zéro. Et ce qui est quand même un bon plus aussi, parce que nos quêtes, on a essentiellement pratiquement les mêmes choses. On a les mêmes quêtes. Le seul mauvais côté, c'est qu'il faut faire les quêtes de classe deux fois. Mais au moins, on est au même endroit au lieu de se diriger complètement à l'autre bout. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça de bon. Moi, je voulais justement parler de Legacy System. Héritage, qu'il appelle. C'est ça, le système héritage. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est un système qui encourage des gens de créer de nouveaux personnages. Faut pas se le cacher, une fois qu'on est rendu niveau 50, soit qu'on tourne en rond, on fait tout le temps les mêmes donjons, et on se tanne, et il y en a d'autres qui sont peut-être pas portés à faire d'autres persos. Mais maintenant, l'expérience de jeu, c'est ça, étant axée sur les niveaux, ben, les développeurs veulent qu'on essaie tout ce qu'ils ont créé, justifiant leurs efforts, bien sûr, là. Ça fait du sens, puis c'est comprenable. Donc, ils veulent que les joueurs essaient différentes factions ou classes afin de voir tout ce qu'il y a à propos de Star Wars. Il y a des gens qui aiment jouer des MMO, comme je disais, là, pour essayer tous les types de persos qu'un jeu peut offrir. Fait que là, ils vont créer d'autres alts, d'autres persos alternatifs. Et d'autres qui aiment vraiment jouer juste un perso jusqu'au bout. Puis ensuite, ben, c'est ça, que s'assurer que toutes les habiletés qu'il peut mettre au maximum, toutes les armures qu'il peut avoir, tout le temps les mettre à leur maximum, puis il est content comme ça, là. Il y a d'autres joueurs qui, rendus à ce niveau-là aussi, ils vont passer au joueur contre joueur. Donc, ouais. Chacun trouve un petit peu, mais bon, puis ça, c'est autant les joueurs casual comme toi, et hardcore un peu, que je pourrais dire comme moi, on fait partie des deux côtés, là. Tout le monde aime un peu tout là, là-dessus, chacun, fait qu'il n'y a aucun penchant, il n'y a vraiment aucun facteur qui vient influencer leur décision, ils essaient de plaire vraiment à tout le monde à ce niveau-là. Donc, essayant de faire changer d'idée les joueurs qui préfèrent jouer juste un seul perso et si d'autres classes et races, ben voici le Legacy System ou si, comme tu disais, on peut dire le système d'héritage. Le mode héritage. En somme, on crée une famille à partir de nos ancêtres obtenant des capacités de race et de classe. Une fois que notre perso a complété le chapitre 1 de l'histoire... Fait quand tu tombes niveau 50 ou tu te rends jusqu'au bout de l'histoire... Au chapitre 1 de l'histoire, c'est ça, on peut choisir un nom de famille d'héritage. Donc, il doit être unique et partagé sur le même serveur. Une fois donc débloqué, tous les autres joueurs créés, que tu vas créer par la suite, que tu vas lier, vont contribuer à donner des points d'expérience d'héritage. Mm-hmm. Donc, on va voir apparaître, au lieu de voir nos petits points d'expérience apparaître, mais on va voir « Ting, expérience, héritage ouais. » en plus. Donc, comme les XP normales, ben, c'est ça, on va monter de niveau. Et donc, à part ça, on obtient de beaux cadeaux. Des cadeaux comme ben, des nouveaux pouvoirs, ouais. Des nouveaux items, même un choix de race qui ne faisait pas partie initialement des classes. Ok. Ce que moi, ça vient me chercher, donc peut-être que oui, je vais tenter de l'essayer, exemple, avoir un site avec un petit bonhomme bleu. Un site de... Je l'ai dit quand on jouait l'autre jour, ça, la race, puis vu qu'il faut que je le dise, je me rappelle pas, mais ça va revenir. Un chiss. De nouvelles espèces aussi vont être ajoutées plus tard, même, ouais. dans le jeu. Mm-hmm. Jar Jar, on t'attend. Un site, Jar Jar. Wouhou! Des émoticons, incluant une danse spéciale tellement inspirante que même votre compagnon va sentir le besoin de boogie-woogie avec vous autres. Oh, OK. Wouhou! C'est-tu pas wonderful? Oh oui, voir un Kemval danser la rumba, ça va être super intéressant. Wow! Donc, encore plus d'heures de plaisir à tuer et plus de mois à payer, évidemment. C'est un peu le but. Bah, c'est ce que... Ils veulent nous accrocher comme il faut. Puis... Donc voilà, en terminant, juste pour vous dire aussi la raison qu'on n'a pas parlé de Aion tel qu'on était supposé. Eh bien, la sortie Free-to-Play est prévue pour le 11 avril. Désolé. Donc sur le prochain podcast, on devrait vous faire un petit dossier sur Aion Free-to-Play. Parce que c'est le 11 avril, on enregistre le prochain podcast fin avril. On devrait avoir un bon 2 semaines pour jouer à Aion puis se faire une idée. Pour commencer à y goûter, c'est ça. Donc moi, j'ai déjà joué à Aion auparavant parce que j'ai le Collector's Edition, mais pas en free-to-play. Fait que je vais pouvoir peut-être voir la différence. Mais aussi, tu vas peut-être voir, selon moi, ils ne changeront rien côté graphique. On va en reparler. Ouais, parce que c'est le Crysis Engine, fait que c'est le Cryo Engine, fait que c'est l'engin qu'ils utilisent pour le jeu Crysis. Fait que c'est un engin qui a fait ses preuves. Les graphiques, en tout cas, les graphismes, à date, ce que j'ai vu, j'ai réussi à créer mon personnage pareil, même si le free-to-play n'a pas commencé. Puis, je veux dire, ce que j'en ai vu, c'est beau. C'est ça. Ce que je trouve, c'est ça que je trouve dommage, c'est que contrairement à World of Warcraft, les gens pensaient que ça aurait pu le supplanter. Mais les gens n'ont pas accroché. Mais peut-être là, en étant free-to-play, on va voir. Peut-être. On en reparle de toute façon. On va voir aussi quelle méthode de free-to-play qu'ils prennent. Parce que normalement, c'est free-to-play, mais achète des items. Oui, c'est toujours. Mais eux autres, ils marquent. Ils ont l'air à marquer que c'est totalement free-to-play. Si tu vas sur le site web, c'est totalement free-to-play. C'est débloquer les niveaux au complet. Tu peux visiter tout au complet. Tu peux partager les items sur l'auction house comme tout le monde. C'est vraiment free-to-play. Par contre, ce qu'ils font une petite bémol pour dire, ben écoutez, les développeurs ont besoin de donner des tosses à leurs enfants. Ouais. Bon, donc c'est, si vous voulez nous encourager, c'est apprécié, mais sinon, ben il dit the bills on us, donc la facture est sur notre dos. Fait que jouez, puis... Jouez, amusez-vous, puis profitez du spectacle, parce que le spectacle était intéressant. Moi, c'est ce que je vous dis d'avance, mais on va en reparler, justement. Ouais, j'ai hâte de voir. Encore des heures de plaisir! Surtout pour le mois de mon anniversaire aussi, parce que, bon, le tien, c'est au mois d'avril. Oui. Le charmant Diablo 3 va pointer son nez. Oui, le 15. C'est ça, le 15 mai, et j'attends aussi... Oui, le 15 mai. Ouais. Une chance que je joue pas à ça. Parce que c'est juste, ben, ça donne que ça, c'est notre anniversaire de mariage, nous autres, le 15 mai. Mm-hmm. Mais ça n'a aucun rapport pour les autres. C'est comme, pas comme BioWare qui avait décidé de sortir le démo de Mass Effect 3 le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Fait que, excuse-moi chérie, ce soir, pas de souper à la chandelle, je joue à Mass Effect. Mais je vais penser à vous en jouant avec ma sorcière. Tu penseras à nous. Il n'y a pas de problème. Moi, Diablo, j'ai pas détesté, j'ai adoré Diablo 1. Mais après ce que j'en ai entendu du monde qui ont essayé le démo puis tout ça... Ils l'ont revampé un peu. Là. Ouais, mais même mais dernièrement, ça a l'air qu'il... C'est pas... Pour avoir attendu 10 ans, c'est pas ce que ça aurait été supposé être, selon ce qu'ils disent. C'est partie de ma chronique, peut-être en mai. Tu verras. Parce que je vais avoir joué, donc, peut-être près de 2 semaines aussi. Ouais, tu vas avoir fait un bon petit bout. Si tout va bien, parce qu'avec tout le paquet de jeux que j'ai à jouer aussi. Oui. Et aussi, bon, j'attends une date pour Guild Wars 2 toujours. Ouais, ils ont annoncé le Collectors, un nouveau Collectors avec une statuette à 150$. Ouais. Mais sauf qu'ils n'ont pas encore annoncé de date de sortie. La bêta, ils ont annoncé une bêta fermée, puis a été remplie, je pense, en dedans de 2 jours, une journée ou 2 jours, toutes les clés bêta t'ont donné. Ouais. Donc, toi, tu as réussi à t'inscrire, ouais. Mais tu n'as pas eu d'invitation. Pas encore. Moi, j'ai pas réussi à m'inscrire parce que les invitations étaient toutes données déjà par le temps que je suis allé pour voir. Moi, je me dis, sachant que là, il y a des dates vraiment fixes comme pour Aion et Diablo 3 au mois de mai, peut-être juin. Moi, on spécule, là. Ouais. Mais peut-être pas avant, moins d'une surprise. Là. Ça fait penser comme au cinéma, les box-office, ils vont choisir le meilleur endroit pour placer des films afin d'avoir une super bonne fin de semaine. C'est ça. Mais on verra. Mais ça, 2012 s'annonce pour être encore une bonne année pour les jeux vidéo. Tout le monde, à chaque année, on se dit ça, il sort plein de super bons titres. Puis tu te dis, ah, ils pourront jamais topper ça l'année prochaine. Puis il y a toujours plein de titres surprenants qui sortent que tu t'attendais pas, puis que c'est des hits, ou que tu t'attends ce jeu-là, tu sais qu'il va sortir. Comme là, déjà, on a Mass Effect 3 qui est sorti. Puis tu vas avoir Diablo cette année qui va sortir. Tu vas avoir plein de super bons jeux. Moi, celui que j'attends le plus, c'est BioShock qui va sortir au mois d'octobre. OK. BioShock Infinite. Un coréen aussi. Un free-to-play encore. Un free-to-play que je vous parlerai un jour lorsqu'il va sortir. Là. Il est présentement en bêta-test. Ouais, je pense que tu m'en avais parlé du nom. Fait que je ne sais pas trop c'est quoi. Pas grave, on va en reparler avec ça arrive. Ça va faire une petite surprise pour les gens. Fait que donc oui, on a beaucoup de jeux à jouer là et en attente. Je crois que 2012, c'est une bonne année. Fait qu'on espère qu'elle se terminera pas telle que prévu. Non. Yeah. Ah. La NASA est sortie là-dessus. Il y a une couple, là, peut-être un mois ou quelque chose comme ça pour dire, regarde, énervez-vous pas avec ça. Là. Parce que là, il y avait d'autres rumeurs. Je ne sais pas si le monde a vu ça. Il y avait d'autres rumeurs. Il y a plein de sites. L'Internet, c'est merveilleux. Hein. Il y a des sites super sérieux, puis il y a des sites qui sont totalement à l'opposé de ça. Bon, la loi du 80-20, disons. Ouais, puis il y avait un site qui avait sorti photo à l'appui qu'il y avait des vaisseaux spatiaux qui s'en venaient pour envahir la Terre. Wow! Puis ça allait arriver en 2012, puis ils montraient les photos, puis ils disaient ces objets-là s'en viennent vers la Terre, puis c'est pas des météorites, ça s'en vient Regarde, c'est... Puis la NASA a démenti ça aussi. C'est D'accord. pas ça, c'est... Mais c'est ça, on se voit pas envahir cette année. Tu croyais être un acteur dans un film? Ben non. Ah! Battle Los Angeles, Independence Day, puis c'est pas pour cette année. Ah, mais je croyais que c'était avec ça qu'ils nous préparaient, là. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais non. Alors, merci les amis, c'est pas mal tout pour moi. Alors, je retourne jouer. Yay! Je vais juste revenir sur ceux qui veulent voir un peu le système... Legacy ou le système héritage, si vous allez sur le site de SWTOR qui est www.swtor.com, il y a une vidéo qui est sortie sur le système Legacy, puis ça vous montre un peu comment ça va marcher. Il va avoir vous allez avoir un arbre, puis vous allez pouvoir prendre tous vos personnages qui sont sur le même serveur, puis dire ça c'est le fils de, ça c'est le frère de, puis vous allez pouvoir faire des mix and match comme ça. Puis ce qui est cool dans la vidéo, il montre un chasseur de primes qui peut utiliser la force. C'est ça. Parce qu'il est le fils d'un Sith, mais même si lui n'est pas un Sith, il peut utiliser la force. Fait qu'il se régénère comme un Sith en lui. Ben, celui que j'ai vu, il se régénère comme un Jedi en s'assoyant à terre. Ou un Sith aussi, le Sith que je jouais avant s'assoyait à terre puis se régénérer, je me rappelle. Nous autres, le nôtre, il marche. Ouh, le sorcier un marche. Un Jedi va pouvoir lancer des éclairs. Ouh. Fait que tu vas avoir plein de choses que tu vas pouvoir mixer. Ouais. Un personnage qui devrait pas avoir de pouvoir avec des pouvoirs de Sith ou de Jedi. Ça devrait être intéressant. C'est... Un Bounty Hunter qui est déjà fort, tu t'imagines-tu? Ouais, avec qui peut faire un choke ou qui peut faire... Ça va être intéressant. C'est pour ça que ça m'a accroché et que je voulais en reparler. Fait même s'il y en a peut-être d'autres qui en ont parlé. Là. Fait qu'il s'arrange pour garder nos 15$ pour une couple de temps. Puis dans l'entrevue justement du vidéo, si vous le regardez, le gars il dit c'est quelque chose qu'on veut développer pendant plusieurs années, le système d'héritage. C'est facile à dire quand tu... Quand tu pars quelque chose, tu n'iras pas dire on fait ça 2 semaines, puis après ça on arrête. Oh oui, on va te planter. Tu vas dire ça va durer des années. Fait que ça reste à voir. Ça reste à voir aussi si jamais ils sortent le MMO de Mass Effect, si celui de Star Wars va être mis de côté. Parce que c'est BioWare qui fait le MMO de Star Wars. C'est Lucasfilm, c'est George Lucas qui doit faire le plus d'argent. C'est LucasArts qui le publie. C'est BioWare qui le fait. OK. Fait si BioWare sort un MMO qui est fait par BioWare, qui est publié par eux autres, ils ont plus d'argent qui vient dans leur poche. Ils vont peut-être même être plus tentés de mettre plus de travail sur Mass Effect que sur Star Wars, mais on extrapole. Là. C'est pas fait encore. Exact. Mais peut-être d'autres surprises à venir aussi. Regarde, personne ne l'a demandé, là, cet update-là. Là. Non. Donc, c'est arrivé comme ça. C'est des choses qu'on travaille. De bonnes idées, puis pour l'instant, je les encourage. J'aime bien ça. Ouais. Chapeau. En tout cas, on va le voir. Ça, un jour. À un moment donné, je t'ai rendu au fait que, oui, c'est le fun, mais tu sais, t'as une coupe de quête à un moment donné où c'est ordinaire. Oh, oui. Puis là, on dirait plus t'avances, plus que, tu sais, le challenge est plus là. Puis là, ça m'a redonné le goût de jouer. Avec les quêtes qu'on fait présentement sont plus intéressantes puis sont plus ben moi je continue, j'accroche plus au niveau toujours de l'histoire, les cinématiques et autres, mais les quêtes restent des quêtes. La différence à exemple à un jeu coréen où ce que les personnages vont être fixes et que tu vas leur parler puis ça parlera pas, il va apparaître une fenêtre, tu dois lire, mais on ne lit pas. On prend la quête puis on part, tandis que là on prend le temps d'écouter puis on prend le temps de participer, ce qui nous donne pas une immersion totale mais au moins un sentiment de participer là, plus fait que c'est ça que moi qui me fait accrocher là. Le reste écoute, on reviendra pas là-dessus, mais c'est du jeu normal là. Oh, ouais. De côté graphique et autre là, c'est pas le top là. Non mais l'histoire est intéressante, l'histoire, c'est ça, fait que ça nous accroche peut-être. Plus, ça m'incite peut-être à faire justement un Bounty Hunter de race bleue, puis qu'après ça, je vais pouvoir faire un autre site, puis que faire un merge des deux. Regarde. J'ai déjà mon Bounty Hunter Chiss. Ouais, j'avais déjà commencé à. J'ai joué pour la première fois qu'on en a parlé de Star Wars, j'avais créé un de chaque personnage. J'ai joué un petit peu à chaque. Puis... Mais c'est là que tu vas te faire avoir peut-être aussi, parce que si le maximum de joueurs, de personnages dans le fond disponibles par serveur, c'est 8. Mais tu vas être limité, il faut que t'en enlèves si tu veux faire ton système après là, de famille. Là. Ouais, mais tu vas partir à zéro. J'ai juste 3 par serveur. J'ai 2 serveurs différents. Okay. Tous mes côtés clairs sont sur un serveur, puis mon côté sombre sont sur un autre serveur. Mais c'est peut-être là que le mix and match va être bon aussi. Peut-être. Parce que justement, si tu veux faire un site qui va avoir des capacités de Jedi, ben il va falloir que tu les mettes sur le même serveur. On va les mettre sur le même serveur. Puis de toute façon, il va falloir que tu recrées un nouveau personnage pour recommencer à zéro. C'est cela. Puis il faut se rendre au niveau 50 en partant. C'est pas fait. Ouf! C'est beaucoup de choses à faire. Donc, merci Simon pour cette chronique. Ben, merci à vous. À la prochaine. Nous sommes de retour et il y a Eric qui est venu se joindre à nous. Salut Eric. Bonjour. Fait que Eric, tu as deux chroniques qui sont ensemble mais séparées. Tu as ta chronique de jeu poubelle que le monde t'a suggéré, puis tu as aussi ta chronique pour un autre jeu. Fait que je te laisse aller. OK. Oui, c'est ça. J'ai reçu un petit peu des suggestions, mais rien qui ressortait du lot pour les jeux pas bons. Ça fait que je me suis replié sur le bon vieux Xbox Live Arcade, qui est comme une espèce de grosse pile de compost virtuel, finalement, où j'ai trouvé des trucs assez pourris. Je vais passer vite au travers. Il y en a un que j'ai vraiment joué, les autres, juste des trucs que j'ai essayé. J'ai trouvé un truc qui s'appelle FPS Trainer, qui est supposé être un jeu pour s'entraîner à jouer à des FPS. OK. En partant, question de suite, pourquoi ils ont fait ça? Là. Tu peux-tu juste jouer à un jeu? Et pour les auditeurs, Eric, les auditeurs, un FPS, c'est quoi? Un first person shooter. Super! Fais pas ton Ian Richards qui pose des questions à Frank Datang puis le contraire avec pendant le dernier podcast, OK? Mais ça, tu parles-tu de jeux XBLA qui sont des jeux C'est un jeu XBLA qui s'appelle FPS Trainer. OK, mais c'est pas des indies, là. C'est vraiment dans la section principale. Ah, c'est indie. Indie, OK, c'est beau. Dans le fond de la pile de compost. OK. Fait que ce jeu-là clame que si tu joues à ça, tu vas pouvoir t'améliorer à jouer à des first-person shooters. On repassera, hein? Okay. C'est vraiment... Écoute, ça a l'air d'un jeu d'iPhone. T'as des cibles, puis faut que tu te pratiques avec ta manette à tirer dans les cibles qui bougent, puis ça te donne un score, puis ça te donne un rang, là, puis ça te dit que t'es 3400e sur quelque chose. On sait pas c'est quoi, mais c'est vraiment pas bon. Okay. Fait que pour 80 Microsoft points, vous pouvez passer là-dessus, là, je veux dire. Fait que là, ce que tu nous expliques... T'es pas meilleur FPS présentement, là. Non, peut-être s'il y a quoi que ce soit, j'ai trouvé que j'étais pire. Oh boy! c'est vraiment bizarre, c'est vraiment fait cheap, là, avec des grosses cibles rouges et blanches, là. Et, c'est ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le pas bon? Il y a un jeu, je sais pas si vous vous rappelez, dans le temps qu'on avait des beaux téléphones Symbians, et puis que le seul jeu qu'on avait sur nos téléphones, c'était Snake. Ouais. Serpents qui se promènent, puis on mange des points, puis notre serpent allonge, puis il ne faut pas se mordre la queue. Ouais. Il y a quelqu'un qui a osé mettre ça sur Xbox Live. Et juste pour ça, il devrait être pendu par les pieds. Je l'ai essayé pour voir si c'était aussi pourri que je me doutais que ça devait être. Et non seulement Snake, ça n'a jamais été vraiment un très bon jeu sur nos téléphones ordinaires des années 90, mais ils ont même pas essayé de l'améliorer. Là. Les contrôles sont vraiment pas bons. Fait que c'est vraiment difficile de déplacer le serpent. Pourtant, ça devrait être facile. Je veux dire, c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est les seules commandes que tu es supposé avoir. Ouais. Le jeu n'est pas capable de faire ça. Là. Mais dis-moi, Eric, ces jeux-là, c'est-tu des jeux indie qui sont créés par les gens des fois? Parce que, comme pour moi, qui en programme un peu, après ça, tu vas le mettre là-dessus. Et puis, si c'est l'appréciation des gens qui font qui finit par apparaître, là, c'est ça? Ouais, ben moi, je suis allé dans les plus récents. En tout cas, il y a toutes sortes de façons de les filtrer. Là. C'est pas facile de trouver des choses sur Xbox Live Arcade. Là. Non. C'est un peu plus facile de... Oups, désolé, mon téléphone sonne. C'est un peu plus facile d'aller chercher, pour un conseil pour les gens là, qui cherchent sur Xbox Live Arcade, c'est plus facile d'aller sur le site de Xbox.com puis de faire des recherches là Puis de toute façon, votre compte sur Xbox.com est lié à votre compte Xbox. Fait que vous pouvez commencer les downloads à partir de l'Internet, puis dès que vous allez allumer votre Xbox, les downloads vont se faire. Ouais, parce que je cherchais... c'est quoi je cherchais l'autre jour? DLC Quest, puis ça m'a pris un bout à le chercher, là, à le trouver sur XBLA. Et puis, ben le jeu que j'ai essayé le plus, c'est un remake. Ben, je sais pas si c'est vraiment un remake, là, mais il y a un port qui a été fait du bon vieux jeu Simpson Arcade. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, là, mais c'était dans le temps qu'on allait aux arcades, puis qu'il y avait des grosses bornes d'arcade. Et il y avait un jeu des Simpsons qui était sorti quand les Simpsons avaient commencé. Et ben, c'est la même chose que dans le temps. Là. C'est les quatre membres de la famille qui veulent sauver Maggie, qui s'est fait enlever. Et donc, ils se promènent. On appelle ça un beat'em up là, dans le monde du jeu. Là. C'est-à-dire, on se promène de gauche à droite, haut en bas, là, sur le tableau, puis il y a des ennemis qui arrivent de gauche et de droite, puis on fait juste donner des coups de poing puis sauter, c'est tout là. Alors on donne des coups de poing puis on saute, fait que c'est toute une armée de bonhommes pareils qui viennent nous attaquer, puis là on avance dans la ville des Simpsons de Springfield, puis à la fin ben il y a un bonhomme plus gros que les autres qui arrive, qui est le boss, puis là il faut le battre, puis après ça on s'en va à un autre tableau. Fait qu'au début on est au centre-ville de Springfield, après ça, on est dans un parc, après ça, tu sais, ça continue comme ça. Fait dans le temps, aux arcades, c'était le fun parce qu'on mettait 25 cents puis on tapait fort ses boutons, mais sur une manette, c'est pas vraiment gagnant. Parce que ça me fait penser au jeu Kung Fu sur Nintendo, me semble. Ça se peut-tu? Ou est-ce que t'avais un des coupiers, puis t'avançais gauche à droite, puis pas mal ça, hein? Ouais, ben c'est comme un peu Double Dragon, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais, ça. C'est ça, c'est dans le même style, mais... Ouais. Double Dragon donnait une impression de 2D et demi. Oui, c'est ça. C'est vraiment 8 bits, 16 bits. Là, style graphique. Là. Si quelqu'un à la maison a une de ces grosses manettes-là, là, il y en a qui se les achètent, ces grosses manettes-là, pour jouer à Mortal Kombat ou je sais pas quoi. Oui, avec 6 boutons. Si vous avez ça, ça peut être le fun parce que ça va être comme dans le temps. Là, vous allez pouvoir tapocher sa machine. Puis, mais sinon, c'est vraiment pas intéressant. Là, juste le premier boss, tu fais juste sauter de gauche à droite, puis tu donnes des coups dessus jusqu'à temps qu'il tourne rouge, puis à un moment donné, il vient rouge, qui flash, puis à un moment donné, il est mort. Il y a rien de spécial. C'est pas un style qui a bien vieilli. Comparé à ça, il y a un jeu qui a été fait, le film Scott Pilgrim vs. The World. Ouais. Il avait fait un jeu vidéo de ce style-là, en 8 bits, où tu te promenais comme ça en beat'em up, là, de gauche à droite, tu tapais des ennemis. Aller jouer à ça à place, c'est vraiment plus intéressant. Oui, il était bien fait, Scott Pilgrim. Il y a plein de power-up, il y a plein d'affaires, tandis que dans le jeu des Simpsons, la seule affaire que tu peux vraiment faire, c'est ramasser des fois des poubelles puis les lancer, ou des trucs comme ça. Là. C'est vraiment, tu fais juste taper sur le bouton pour cogner, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Là. Fait que c'est pas un jeu qui... pour les nostalgiques, ça peut être correct, là. Mais sinon, c'est extrêmement répétitif. Là. On dirait qu'on n'est plus habitué à ça, ce genre de jeu-là. Ouais, c'est ça. Puis ils vendent ça combien, cette atrocité-là, sur XBLA? Ah, mon Dieu, comment j'ai payé pour ça? Je pense que c'est 10... XBLA, c'est en points. Hein? Ouais. Je me rappelais plus. Il me semble que c'était 1200 points. OK. 800. Je pense que c'est 800. Désolé, j'aurais dû me noter. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, c'est vraiment tout est limité. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que les graphiques, on dirait que ça n'a pas trop mal vieilli. Puis la musique, ben, c'est la musique des Simpsons en 8 bits. Là. Puis ça sonne quand même pas trop pire. Mais sinon, pour le jeu lui-même, ça vaut pas la peine. Puis le dernier que j'ai essayé, parce que un jeu que je pensais qu'il serait pas bon, mais qui s'est tourné quand même pas si pire, ça s'appelle Atink. Oui, j'ai bien dit « attaque ». Il y a quelqu'un qui a fait un beau jeu de mots avec le mot « attaque » et le mot « tank ». Alors, on va leur donner du crédit pour ça au moins. C'est un jeu qui est tout fait en... Les graphiques, c'est tout fait comme en code ASCII. En fait, c'est un petit char d'assaut qu'on se promène là, vu de haut, puis on tire un peu partout. Les graphiques, c'est ça qui est intéressant. Quand j'ai vu ça, je pensais que ça serait vraiment pas bon, mais c'est comme du papier ligné vert et blanc là, qu'on utilise en entreprise. Là. Je ne sais pas s'il y a encore du monde qui utilise ça. Du papier perforé avec des lignes blanches et vertes, là, avec du code ASCII écrit dessus. Puis le code ASCII, dans le fond, fait le dessin du tank. Donc le tank, les chenilles, c'est un paquet de Y un côté de l'autre là, qui se promènent pour faire comme des chenilles qui bougent. Wow. Les ennemis, c'est des tourettes faites en A, puis en B, puis en toutes sortes d'affaires. Là. Ça fait que notre tank se promène sur la feuille de papier, puis on tire des petits poids à nos ennemis. Il n'y a pas beaucoup de commandes, là. C'est vraiment les deux joysticks servent à faire. Il y en a un qui. Le joystick droit fait la chenille à droite, le joystick gauche fait la chenille à gauche. Puis on a un bouton pour tirer, puis c'est à peu près tout. Je pensais que ça serait vraiment pas bon, mais c'est quand même pas si pire. Le problème, c'est que c'est vraiment difficile. Parce qu'il faut que tu t'habitues au contrôle des deux sticks, là. Ça se conduit comme un tank à l'époque de la Première Guerre mondiale. Là. C'est vraiment, tu tires d'un côté pour faire tourner, puis tu pousses pour faire avancer. Ouais, okay. les deux ensemble pour avancer, les deux en arrière pour reculer. Il y a un move qui est intéressant qu'un vrai tank pourrait pas faire, c'est quand tu mets les deux joysticks du même côté, le tank se déplace latéralement de gauche à droite. OK. Il est un move vraiment pratique des fois. Le tableau, c'est fait comme un labyrinthe. En fait, c'est pas juste la feuille de papier carré. C'est comme une espèce de labyrinthe. Donc, il faut que tu trouves la fin, puis t'as un temps. Donc, le tableau commence, t'as, je sais pas, comme 100 secondes, je pense. Un petit peu partout, il y a des espèces de pods faits en ASCII, là, dans lequel il y a un compteur qui descend. Si tu tires ces choses-là, ça te rajoute le temps qui restait dans le compteur à ton temps. Donc, ça te permet d'avancer, d'avoir un petit peu plus de temps. Fait que c'est un mix de faut que tu te dépêches, mais en même temps, faut pas que tu te fasses tirer. Il y a d'autres tanks qui se déplacent, il y a des tourettes, il y a des mines. C'est pas la fin du monde comme jeu, là, mais ça serait bien, mettons, ça serait sur un téléphone. Sur la Xbox Live, t'es comme, ouais, OK. C'est une grosse télé HD. Ouais, c'est ça, tu dis, OK, ouais, je vais passer mon temps à jouer à des jeux qui ont été faits pour la Xbox au lieu de jouer à ça. Ouais, c'est un fait. Mais pour les gens, peut-être, qui ont un Windows Phone, je sais pas, c'est peut-être disponible, ça pourrait être intéressant. Quoique, je sais pas comment tu contrôlerais le tank, par exemple. Mais non, mais c'est une des affaires, quand j'ai regardé ça, ça a vraiment l'air mauvais. Puis quand je l'ai commencé à l'essayer, je suis comme, de manier 20 minutes plus tard, je suis encore en train de jouer. OK. Finalement, c'est pas si pourri. C'était pareil, c'est quand même un peu addictif. Ouais, c'est un petit peu addictif. Ou on pourrait dire, t'as trouvé un trésor dans le fond parmi les encombres. Ouais, c'est parce que tu meurs de façon un petit peu frustrante, fait que tu dis « Ah, oh, man, je vais recommencer. » Puis je vais passer la tourette, puis là, tu l'as jamais. Tu sais. C'est addictif que tous les jeux de téléphone à la Angry Bird, puis ce genre d'affaires-là. Ouais, c'est ça. Que tu veux juste passer au prochain. Juste pour voir qu'est-ce que le prochain tableau a l'air. Ouais, c'est ça. Puis là, tu dis « Ben, je pourrais être en train de jouer à Mass Effect à la place, puis non, je suis en train de jouer à Tank. » Ouais, mais à Tank, il n'y a pas de bug. Mass Effect, il y en a une. Puis peut-être tu vas aimer plus la fin de à Tank que de Mass Effect. Bon. Je sais pas s'il y a un tableau. Je me suis pas rendu super loin, mais je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, il y a un tableau où que le papier perforé jambe dans l'imprimante. Peut-être, c'est possible. OK. Fait que ben, c'était ça pour les jeux, les petits jeux pas bons auxquels que j'ai joué dans les dernières semaines. Le jeu sur lequel que je vais vous parler ce soir, dans le fond, c'est un jeu que j'avais parlé dans une de mes chroniques, ça fait 2-3 semaines, je crois. Mm-hmm. C'est Binary Domain, qui est un jeu qui a eu le malheur de sortir la même semaine que Mass Effect. Ça, je sais pas qui a planifié ça, là. Chez Sega, il devrait avoir quelqu'un qui mange une tape en arrière de la tête. C'est Binary Domain, c'est un peu dans le même genre, là. C'est vraiment un third-person shooter. C'est un jeu qui est fait par Sega. Les jeux de Sega, c'est tout le temps tendance un peu plus arcade, là. C'est un peu la tradition chez Sega. Il faut dire que ça a été pendant des décennies les rois de l'arcade. Ouais. Fait que tous leurs jeux, on dirait qu'ils reviennent un peu avec ça. Avec, il y avait eu Vanquish l'année passée aussi. Mm-hmm. Qui est excellent. Si t'as aimé Vanquish, tu vas aimer Binary. C'est un peu dans le même style, donc c'est un jeu qui se prend plus ou moins au sérieux. C'est un scénario qui est vraiment type manga, là, comme Vanquish. Là. Tout est dans le tapis, les scènes d'action, tout est dans le. C'est, tout est extra, là, explosion, laser, toutes les trucs. L'histoire de Binary Domain, passez vite, là, c'est. Dans un futur où il y a des robots partout, comme des robots ménagers, toutes sortes d'affaires. C'est un peu iRobot, si vous avez vu le film. Chobits. Ouais, c'est ça. Là. C'est, fait qu'il y a des robots un peu partout pour aider. Donc là, ce qui arrive, c'est que l'humanité fait une convention. Il appelle ça la convention de Genève 2, dans le fond, là, où ils interdisent que les robots deviennent trop ressemblants à des humains ou prennent la place des humains, etc. Il y a deux grosses compagnies de robots dans le monde. La plus grosse, qui s'appelle Bergen, qui est évidemment une compagnie aux États-Unis. Et il y a la compagnie Amada, qui est au Japon. Le jeu, quand le jeu commence, en fait, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent un Hollow Child, qui est un robot, qui est en fait un humain, mais un robot qui a l'air d'un humain, finalement, là, un humanoïde. Sauf que ces robots-là ne savent même pas qu'ils sont des robots, tellement ils sont bien programmés. Et ce robot-là fait une attaque au siège social de Bergen Robotique. Et finalement, ben là, les Américains découvrent que ça existe, qu'il y a des robots humains. Donc là, ils veulent savoir d'où ça vient. La seule personne qui pourrait les avoir faites, évidemment, c'est Amada, qui est le créateur de robots japonais. Alors, c'est évidemment illégal d'avoir fait ce type de robot-là. Donc, Japonais. Ah, les maudits japonais. Tout le temps, ça, mélanger des trucs et faire des robots et des monstres nucléaires. Et évidemment, bon, ben, y a une équipe qui va être envoyée, qui n'est pas une équipe américaine, dans le fond, c'est que pour faire respecter la loi, il y a l'IRTA, qui est une espèce d'association des fabricants de robots, qui va envoyer ce qu'ils appellent un Ross Crew, qui est dans le fond un SWAT team, là, qui vont les envoyer au Japon pour infiltrer Amada et capturer Amada lui-même, qu'on soupçonne d'être rendu à 80 ans, là, d'être rendu très vieux, là, d'aller le capturer pour le ramener devant la justice, là, parce qu'il a créé des robots qui n'avaient pas le droit. Donc, le jeu commence comme ça, on se fait infiltrer. On va infiltrer le Japon, qui est maintenant devenu une espèce de forteresse parce qu'ils ont construit des murs pour empêcher les vagues et la montée des océans de détruire le Japon. Donc, on doit infiltrer. Et tout le long du jeu, il n'y a aucun combat contre d'autres humains. C'est constamment, on fait juste tirer des robots. Donc, pour ceux qui sont tannés de voir du sang, ça fait différent. On voit de l'huile. Oui, ben, c'est bien parce que habituellement, quand on tire d'autres êtres humains dans les jeux, c'est où ils sont capables de prendre 1000 balles avant de tomber, ou ben tu tires une balle, puis là, ils tombent à terre, puis t'en tires une autre, c'est comme fini. Avec les robots, ben quand on tire dessus, ils se démolissent un peu partout au fur et à mesure. T'sais. OK. Ça permet aussi, dès le début du jeu, ils te le disent, c'est si tu leur tires dans les jambes, ben là, ils peuvent plus bouger. Mais ils peuvent continuer à ramper, tu sais, essayer de s'approcher de toi. Un peu comme Dead Space. Ouais, exactement. Ou on peut leur tirer dans la tête. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que, habituellement, dans les jeux, quand on fait un headshot, les gens meurent automatiquement, puis il y a plein de points pour ça. Avec les robots, quand on fait un headshot, mais ça prend plus qu'un coup, là, mais d'un coup qu'on a fait enlever la tête du robot, le robot n'a plus de contrôle, donc automatiquement, il va commencer à attaquer n'importe qui autour de lui. Fait que ça peut être une bonne technique des fois, si t'en tires un ou deux, ben là, ils vont tous s'entretuer entre eux autres. OK, OK. Fait que ça amène un côté au jeu qui est vraiment intéressant, là, ça fait différent. Puis ça permet de faire des tactiques comme ça, justement, qui sont plus intéressantes. De leur tirer dans les jambes des fois aussi, parce que des fois, il y en a des robots avec des boucliers. Fait que tu tires dans les jambes, paf, il échappe son bouclier, puis Voilà comme ça. Au début, on est pas mal tout seul, puis après ça, dès que le jeu embarque vraiment, là, comme la première mission, c'est tout le temps, comme dans tous les jeux, une mission un peu d'entraînement. On te montre la mécanique du jeu. Puis... La mécanique du jeu, c'est vraiment d'avoir un squad avec toi. Donc, tout le long du jeu, il y a plusieurs personnages, et à chaque mission, il faut que tu choisisses qui va venir avec toi, des 4, 5 ou 6 personnes qui sont dans l'équipe. Là. Tu rencontres du monde en chemin, donc il y a du monde qui s'ajoute, il y a du monde qui s'en va. Et donc, c'est le but, c'est de contrôler ton équipe. Pour faire ça, il y a deux façons. Il y a la façon que tu pètes sur un bouton, puis tu as 4 choix de choses que tu peux dire à ton équipe, qui sont dans le fond, ben 5, là, attaquer, battre en retraite, me couvrir, puis il y en a un autre aussi, je ne me rappelle plus c'est quoi. Te sauver en courant, en criant comme une fille. Non, c'est pas dedans, ça. Ben, quand tu leur dis de se battre en retraite, des fois, ils disent « Hey, non, on peut pas faire ça. » Fait que j'ai okay. Puis l'autre façon de faire, c'est avec le micro. Moi, j'ai essayé sur PS3. Je sais pas, sur Xbox, peut-être que ça répond un petit peu mieux. Moi, je me suis branché avec un micro USB que j'ai mis à côté de moi. Ça marchait quand même bien, sauf qu'il a fallu que je fasse tout le training du micro, là, c'est-à-dire parler tous les mots, là, la liste de mots qu'il y a, puis toutes les suggestions, puis toutes les faire pour que la PS3 reconnaisse tous les mots que je vais dire. Okay. Et ça te permet de faire plus de choses que si tu utilises juste le mode avec les 4 choix. Parce que si tu utilises le mode avec les boutons, si tu joues sans micro, tu as juste tout le temps juste 4 choix maximum en combat, tu sais, qui sont ceux que j'ai nommés. Si tu prends le micro, ça te permet de donner des commandes spécifiques à chaque personnage. Tu peux dire, mettons, Beau, qui est un des gars dans l'équipe, tu peux dire Beau, tire, puis tu peux dire à un autre personnage, regroupe. Fait que ça te permet d'envoyer 2 commandes différentes. Puis ça donne plus de choix. Tu peux dire, il y a un paquet de listes de mots que tu peux dire. Pas vraiment grand-chose, mais en tout cas, poudon, ils ont mis dans le jeu. OK. Le but qu'on se retrouve à dire le plus souvent, c'est « cover me » puis « regroup ». Honnêtement, là, parce que tes personnages partent un peu à courir un peu partout, puis là, tu te ramasses que tu es à découvert. Fait que là, il faut que tu leur dises de revenir avec toi constamment. Sinon, tu te fais tirer dessus. Mais Eric, dis-moi, c'est pas quelque chose, ça, que dans le fond, c'est dans la même action, là. Tu peux pas l'arrêter. C'est pas comme un real-time strategy où ce que tu dois commander tes gens, là. C'est pas comme une conquer. C'est vraiment on the spot? Ouais, c'est vraiment en temps réel, là. Okay. C'est quand l'action commence. C'est comme je dis, c'est vraiment arcade. T'as un petit bout de cutscene ou un petit film. Puis là, ça fait bang, t'es dans l'action. Puis là, tu rentres dans une pièce, tu tires des robots. Tu rentres dans une autre pièce, les robots arrivent. C'est vraiment comme ça, t'avances tout le temps comme ça. Il y a des boss à la fin de chaque chapitre, évidemment, qui sont pas aussi durs que j'avais trouvé dans le démo. Dans le démo, il y a 2 tableaux. Il y en a un des tableaux qui a un boss, et j'avais trouvé vraiment difficile. Puis dans le jeu, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais joué le démo une couple de fois, j'avais trouvé pas mal moins difficile. Fait que c'est pas mal ça pour le gameplay. On a, en théorie, on a des choix aussi à faire avec la voix, avec les commandes, pour ce qui est de l'histoire. Donc, des fois, les personnages te parlent de l'histoire, puis là, on te demande de dire oui ou non. Tu veux-tu que j'aille en avant pour ouvrir le chemin, ou tu veux-tu prendre le lead, ou qu'est-ce que tu penses de telle chose? Fait qu'il y a toutes sortes de choix qui sont supposés influencer l'histoire, mais grosso modo, peu importe ce que vous allez faire, il y a une histoire qui a été écrite, puis c'est la fin, c'est ce qui va vous arriver. Je ne vais pas vendre de punch, là, mais la seule chose que vous allez influencer, c'est ce qui arrive aux autres personnages qui sont autour de vous dans l'histoire. Votre fin à vous, ça va pas mal, ça va être la même chose pour tout le monde. OK, OK. Fait que c'est pas vraiment comme Mass Effect où la fin peut vraiment être différente pour les gens, là, je sais, ou Skyrim, ou, tu sais, mettons, un Fallout, ou mm-hmm. Ça peut être, c'est impossible de dire c'est quoi la fin de Fallout parce que tout le monde va avoir une fin complètement différente, là. Dans le cas de Binary Domain, ça te permet juste d'amener des petits à côté, dans le fond. Ça te permet de faire vivre des choses, d'avoir une fin, ben pas une fin, mais ça te permet d'influencer ce qui arrive aux autres personnages, là. Mais dans le cas de la quête principale, ça va être la même pour tout le monde. C'est parce que tout le monde disait, ah, oh, il y a différentes fins, c'est pas vraiment ça. OK. Tu l'as fini plus qu'une fois ou tu l'as fini... Non, je l'ai fini au complet pour la première fois aujourd'hui. Puis après ça, j'ai essayé le mode en ligne que je vais vous passer très vite dessus pour vous dire qu'il n'y a absolument personne en ligne pour jouer au jeu. Fait que okay. Ça ne servait à rien. Puis en plus, moi, je l'ai sur PS3 puis éditorial ici. PS3, c'est de pire en pire présentement là, pour jouer en ligne. Ah ouais, comment ça? Ouais, je sais pas, depuis des mois, on dirait que pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour... le monde dans le coin de Montréal. Là. Mais on dirait que c'est de plus en plus lent, c'est de plus en plus dur de trouver des games. Puis j'ai trouvé que c'est inversement proportionnel à la qualité du PlayStation Store, qui est de mieux en mieux. Pourtant, le service de jeu... parce que même, j'ai essayé des jeux dernièrement comme Medal of Honor, qui habituellement, t'as pas de problème à te loguer, ou Call of Duty. Puis y a plus de... le ping est plus long. Fait que... fin de l'éditorial, en tout cas, c'est ça. Fait que, voilà. Ben, le style de jeu, en fait, ça va être comme ça tout le long. Là, on tire des robots. C'est vraiment à la Gears of War, là, c'est-à-dire le troisième personne, il y a de la couverture, on se cache, on ramasse des grenades, on ramasse des différents fusils. Avec nous, on traîne deux armes principales avec, il y a tout le temps le bon vieux pistolet, là, qui a infinie de balles dedans au cas où qu'on n'ait plus rien. Okay. Puis il y a des grenades qu'on peut ramasser. Après ça, pour upgrader, si je peux emprunter le terme, au courant du jeu, les bons vieux japonais ont tout le temps mis des bonnes machines ATM à fusil un peu partout. Parce qu'ils se sont dit, au cas où quelqu'un arriverait, faudrait qu'il y ait une machine, ils vendent des fusils pour qu'ils tuent nos robots. Et donc, crois-moi, des distributrices, il y en a partout au Japon. Donc, toi, t'arrives, là, le gros Américain méchant pour tuer les robots japonais, et bien, avec ton téléphone cellulaire, tu peux payer, t'acheter des upgrades d'armes et upgrader les armes de ton équipe. Ah, fait qu'il y a une puce à RFID dans ton téléphone? Exactement! C'est pratique en pleine guerre d'avoir des ATM à fusil partout. Donc, oui, ça fait pas vraiment de sens, mais comme je disais, c'est Sega, puis c'est un jeu qui est pensé arcade, donc la logique de ça, c'est pas vraiment important. Donc, tu as ces points-là, et à ces points-là, tu peux acheter des upgrades pour les armes, les tiennes, ceux des gens qui sont avec toi. Fait que c'est important d'upgrader les armes de tes compagnons aussi, là. Surtout s'il y en a un que tu préfères que l'autre. Il y en a qui sont spécialisés pour se battre plus de proches, dépendamment des armes qu'ils ont. Il y a un sniper aussi. Donc, tu upgrades leurs armes. Tu peux aussi acheter, évidemment, de la vie et aussi ce qui s'appelle des skills. En fait, les habilités. Fait que tu peux upgrader tes habilités dans le sens où tu peux augmenter ta barre de vie, tu peux augmenter les dommages que tu fais quand tu combats rapprochés. Etc. La vitesse à laquelle tu peux t'évader d'une situation, puis tout ça. Fait que ça, tu peux les assigner. Tu as une petite boîte qui est comme une espèce de petite boîte avec 6 cases dedans dans laquelle tu assignes tes habilités. Certaines habilités, ben, ça va être une espèce de barre qui en prend 2. Donc, si tu mets, mettons, cette habilité-là, ben, tu as déjà 2 barres de prix. Certaines, c'est 1 et certaines, c'est 3 points. Et ils sont tous en. Toutes sortes de formes différentes. Fait qu'il faut que tu fasses une espèce de Tetris pour l'optimiser le mieux possible. Des fois, si tu as 2 morceaux comme de 3, ben ils ne s'emboîtent pas un dans l'autre. Mais là, tu ne peux pas les mettre, ces deux habilités-là, en même temps dedans. OK. Évidemment, au fur et à mesure que tu avances, les habilités prennent de moins en moins de place quand tu achètes les nouvelles versions. Donc, ça, en partant, moi, j'ai découvert ça comme plus tard dans les jeux. Au début, parce que c'est vraiment pas... Le jeu t'embarque dedans vraiment assez vite. Fait que j'avais compris le magasin, les fusils, upgrader les armes. Puis j'avais pas réalisé que les skills étaient là. Fait que ça m'a pris comme jusqu'au deuxième tableau à me rendre compte qu'il y avait des skills puis que je pouvais les assigner non seulement à moi, mais que je pouvais en acheter pour les autres personnages. Je pensais que quand je les achetais, ils s'ajoutaient automatiquement. T'sais. Je pensais que quand j'achetais l'upgrade de la vie, ça s'upgradait tout de suite. T'sais. Fait qu'à un moment donné, rendu au deuxième tableau, je m'en vais, je fais « Ah, c'est quoi ce bouton-là dans le menu? » Puis là, je pèse « Statut », puis là, je vois toutes les choses que j'avais achetées, mais qui n'étaient pas assignées à personne. Là, je suis comme « Ah, ça va aider si je les assigne. » Comme à la Final Fantasy, où est-ce que tu dois équiper ce que tu achètes. Exactement. Ah, d'accord. C'est pas mentionné vraiment, là. C'est comme ça passe bien vite dans le jeu. Fait moi, j'ai comme pas vu ça passer. Je sais pas si c'était bien indiqué ou j'étais trop occupé à tirer, là, mais j'ai pas pu passer. Fait que ça m'a pris comme jusqu'au deuxième niveau. Puis là, j'étais là, voyons, il me semble qu'on mange une volée. Puis là, un moment donné, je me suis rendu compte qu'on n'avait aucune de nos nouvelles habilités d'assigné. Ça fait que pour les gens qui vont acheter le jeu, ben vous le saurez en partant. Fait que ça, c'est les trois choses qu'on peut upgrader. Puis ben, on s'en va dans le jeu comme ça. Puis on va rencontrer d'autres personnes. À un moment donné, on va rencontrer une deuxième partie de l'équipe avec un robot qui est un robot français qui parle avec un accent. Et en bon francophone, à chaque fois que j'entends quelqu'un essayer d'imiter l'accent français, je trouve ça vraiment pas bon. fait que t'as une espèce de robot qui dit « Oui, monsieur! » puis qui tire avec toi dans le tas. Puis c'est un petit peu... c'est pas très bon, là, mais en tout cas, on va leur... Disons que c'est des Japonais qui essayent de faire un robot français, on va leur donner le bénéfice du tout. Ils ont au moins essayé. À un moment donné, il y a quelqu'un de la résistance aussi qui va joindre à toi. Fait que c'est à toi de décider si tu les gardes avec toi, parce qu'à chaque fin de tableau, ton équipe se sépare tout le temps en deux, évidemment. Ils ont mis ça dans le scénario pour te faire choisir du monde. Donc, moi, ça finissait le temps un peu que je prenne un peu les mêmes personnages parce que tu te dis, quitte à upgrader, je vais peut-être upgrader comme les deux mêmes, tu sais, pour les booster plus vite. Là. Ça a été ma technique pour jouer au jeu. Tant qu'à investir. Ouais, mais en tout cas, si vous regardez vite les personnages, il sait qu'il vaut pas mal tout, tu sais, dans le fond. Moi, je pensais que... Moi, j'avais pris deux. J'en avais pris un qui avait un gros fusil. J'avais pris Beau qui avait un gros fusil. Puis je me suis dit, bon, lui, il va être bon pour attaquer, tu sais... c'est faire un arrosoir de balles, tu sais, dans la place. Puis après ça, j'avais pris la fille qui a un sniper gun. Puis moi, je suis comme, t'es le soldat. Fait que t'es un peu entre les deux. Fait que je me suis dit, je vais avoir un peu des trois. Tu sais, quelqu'un qui a un gros fusil, moi qui va faire un petit peu plus de précision. Puis la fille avec le sniper qui va, tu sais, tirer le monde de loin. Sauf que ça fait pas vraiment ça, là. Il se promène juste à courir avec toi un peu partout, puis à tirer, tu sais. Puis la fille, ben, avec son sniper gun, à moins que upgrade son accuracy, là, sa précision, puis la distance à laquelle elle peut tirer avec son arme, ben dans le fond, elle est juste quelqu'un, un autre soldat normal. Là. Elle fait pas vraiment de sniping. Ça. OK. Mais au moins, t'aides-tu vraiment avec tes missions, les personnages contrôlés par l'ordinateur? Ils vont tirer des robots. T'sais, tu le vois tout de suite. Si tu tires un robot dans les jambes puis qu'il tombe à terre, puis que tu leur cries « charge », ils vont courir puis ils vont aller les finir à terre. Là. OK. Fait que il y a plein de robots. Puis quand, mettons, tu peux rentrer dans une salle, puis rester en retrait, puis presque pas tirer, ils vont faire le ménage. Ça va prendre un bout, là, mais ils vont tirer pas mal de monde. Puis à la fin, quand tu vas finir le tableau, ils vont te le dire que t'as rien fait. Ah, ok, c'est pas bien. Ils vont dire, hey, reste pas assis en arrière la prochaine fois, ou des affaires comme ça. Là. Non, parce que t'as certains jeux où, que, oui, t'as du monde là qui sont là pour t'aider, mais t'as l'impression qu'ils tirent ses murs, puis qu'ils touchent jamais un ennemi, là. Comme c'est... Call of Duty dans le temps, oui. Là, même en... où si tu fais rien, mais il y a juste les vagues d'ennemis qui continuent à arriver, puis tu vois tes camarades qui font juste manger des balles, puis ils meurent jamais, parce qu'ils sont juste là pour décorer. Ouais, mais le dernier Call of Duty, pas de Call of Duty, Medal of Honor, j'ai joué, c'était de même. C'est que c'est tout, il faut qu'ils fassent le ménage, sinon eux autres, ils tuent vraiment pas grand monde, là. C'est des troopers. Ouais, avant, jusqu'à un certain point, puis ils arrêtent. C'est ça, ça tire, mais ça tire sur rien, là. Ouais, c'est pareil dans Black Ops. Ouais, exactement. C'est tout, faut qu'il juste là pour le scénario. Fait qu'il faut qu'ils vivent jusqu'à temps que le scénario a décidé qu'ils meurent ou quelque chose de dramatique leur arrive. Juste pour faire avancer l'histoire. Exactement. OK. Le dernier point dans le gameplay, dans la jouabilité, c'est le facteur de confiance, de ce trust, évidemment, quand tu fais du. Quand tu leur tires dessus par hasard ou parce que tu veux le faire, leur confiance en toi baisse. Ça fait qu'il faut que tu fasses attention quand ça brasse pas mal, puis qu'eux autres ils courent un peu partout, puis qu'ils se mettent entre toi et les robots, de ne pas leur tirer dessus. Parce que leur niveau de confiance descend. Et quand leur niveau de confiance descend, en fait, ils n'obéissent plus à tes ordres. Si on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi qu'il n'aurait pas confiance en toi si tu le tires dans le dos? Voilà, pas non plus, mais en tout cas, il y avait juste à ne pas se mettre là. Mais tu peux-tu les tuer? Non, tu peux pas. Okay. Ils vont juste venir à te détester puis à ne pas écouter rien de ce que tu dis. Puis ils ne tireront pas eux autres non plus. Non, ils vont tirer pareil, mais je veux dire, tout ce que tu vas leur dire, si tu leur dis couvrez-moi ou aller en avant, ils vont rien faire. Ils vont te le dire, là, ils vont t'envoyer chier carrément. Ah, OK, c'est bon. Pas d'y aller. Non, non, on fait pas ça, blabla. Fait qu'ils n'écoutent plus ce que tu dis. Ça influence un peu aussi dans les choses qu'ils vont te dire. Et ça va influencer, entre guillemets, sans rien dévoiler, la fin. Mais pas vraiment. OK. Donc, c'est ça. Ça, moi, cet élément-là, j'ai trouvé plus ou moins utile. J'aurais trouvé ça intéressant si ça l'avait vraiment bien été implémenté avec les commandes vocales. D'ailleurs, avec les commandes vocales, justement, si tu leur dis « fuck you » ou si tu leur dis n'importe quoi, si tu essaies de... Tu sais, comme il y a deux filles avec toi, si tu essaies de trop les cruiser aussi, là, tu peux leur dire « I like you » ou ben, « good job ». Puis là, des fois, ils vont dire « t'essaies juste, tu sais, de... d'être gentil avec moi, blablabla. Bla, bla. » Fait qu'en théorie, leur confiance est supposée baisser, mais ça affecte vraiment rien parce que ils vont continuer à se promener avec toi puis à tirer les robots. T'sais, ils vont pas t'abandonner en plein milieu en disant « Ah, t'es un écœurant » puis ils vont s'en aller parce que tu leur tires dessus ou tu leur dis des affaires. OK. Fait que c'est ça. Mais grosso modo, moi, c'est ça. Ça influence rien puis tu continues à avancer. C'est juste un rappel de pas leur tirer dessus dans le fond. Pas fait exprès. Ouais. Il y a d'autres jeux où ça influence rien. Je sais pas, exemple encore un Call of Duty où si tu tues, ils vont à un moment donné, si tu tires trop sur tes amis, tu vas avoir un échec de la mission. Mm-hmm. Donc, il va dire Friendly Fire is not tolerated, quelque chose de même. Là. Vraiment. Ça dit ça, puis là, la mission arrête, il faut que tu recommences. Mais dans ce jeu-là, non, ça fait rien. Ça fait juste baisser la confiance que tu es supposé checker pour être sûr qu'elle est tout le temps haute. Fait que c'est ça. Au point de vue, c'est pas mal ça pour le gameplay. C'est ça, les classiques tableaux avec les robots. Il y a les monstres, les boss à la fin de chaque tableau, qui sont pas mal différents dans chaque tableau. Fait que ça, c'est intéressant. Ça revient pas mal de temps au même, là, comme dans tous les bons vieux jeux. Là. Ils ont des points sensibles qu'il faut tirer. Là. Ça débloque un autre point sensible, puis là, tu y vas comme ça. Là. Il y en a qui ont beaucoup d'armure, fait qu'il faut que tu tires sur l'armure pour découvrir les points sensibles qui sont en dessous. Fait que t'as toutes sortes de robots. Il y en a un avec des gros fusils. Il y en a un qui est une espèce de robot gorille géant qui casse tout. Toutes sortes de choses comme ça. Fait que ça va être les boss classiques de bon, tout bon vieux jeu vidéo. Là. Ils sont gros, forts et qui ont des gros points faibles scintillants un peu partout sur eux. OK, ah, ils te montrent les points faibles, ce qu'il faut dire. Ouais, ben ils vont te le dire. Ils sont pas super évidents à voir tout le temps, mais tes compagnons te le crient. Faut que tu leur tires dans la tête. Fait que là, tu le vois, puis là, tu vois qu'il y a une lumière sur la tête, puis là, tu tires dans le tas. C'est pas aussi évident, mettons, que ceux, les gens qui ont joué à Lost Planet, mettons. Je sais pas si t'as déjà joué à ça. Non. Dans Lost Planet, tu tires, mettons, des insectes géants, puis les points faibles des boss, c'est des grosses masses lumineuses, c'est comme impossible à manquer. tiens-moi, ah ouais. Comment ça? OK. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est vraiment bien. Au point de vue des missions, c'est assez diversifié. Fait qu'il y a bien des corridors, puis des salles à rentrer. Il y a aussi des missions en jet ski, genre, où tu tires pas du tout. Faut vraiment juste que t'évites les choses. Il y a une couple de missions où faut que tu tires des espèces de. Un hélicoptère géant qui vole, fait que faut que tu demandes à tes compagnons de tirer tous les autres ennemis en attendant pendant que toi tu ramasses des missiles pour tirer la grosse hélicoptère, la grosse avion dans le fond. Okay. Fait que il y a des missions un peu différentes dans toutes. Là. Il y a pas vraiment de mission de sniper. Là. Dans tout bon jeu, il y a tant de missions de sniper, pas dans celle-là. Oui, c'est ça. Ça fait pas mal de tours. Moi, en tout cas, j'étais bien con. J'ai bien aimé le comment ils ont séparé ça. Là. L'émission puis tout ça. Fait que là, je serais rendu à vous parler des graphiques et du son. Ben, si vous avez joué à Vanquish, c'est vraiment dans le même style. Là. C'est un autre jeu style Sega. J'ai pas regardé si c'était le même moteur qu'ils ont utilisé. J'ai pas assez vite là-dessus. Ça fait une bonne job. Les robots sont bien faits. Il y a vraiment des effets lumineux sur le métal. Ouais, non, c'est vrai, les bonhommes, les personnages sont bien faits. Puis ce qui est bien fait aussi, c'est que quand on tombe dans les scènes coupées, les cutscenes, je sais pas si c'est une traduction valable. moi, j'irais plus à ouais, cutscenes. Les centres. Ouais. C'est cinématique. Graphique, tu n'as pas l'impression que ça coupe à une espèce de rendu vidéo. Là, OK, ils prennent le même engin pour faire les cinématiques. Ouais, la différence n'est pas énorme. Tu sais, mettons, dans Gears of War, quand ça arrête et c'est des cutscenes, là, les graphiques sont tellement plus beaux parce que c'est vraiment fait comme un film. Là. Ouais. Mais dans Binary Domain, c'est, ça continue avec les mêmes graphiques. OK. Ouais, c'est pas le même engin. Okay. Moi, j'aime ça parce que ça fait... J'aime bien voir ça, que je trouve que ça fait moins un détachement. T'sais. Ouais. Comme Guild Wars. Ouais, parce que t'as des... Dans le gameplay. Dans le gameplay, il y a quelque chose que j'ai oublié qui est un petit peu un des points fatigants, c'est que ils ont fait des Quick Time Events, là, une autre affaire, pour une traduction. Ils étaient obligés. Ouais, je sais pas. Il y en a pas beaucoup, il y en a vraiment pas beaucoup. Ce qui fait que quand ils arrivent, t'es comme surpris puis tu le manques tout le temps du premier coup, tu sais. OK. Puis surtout que c'est comme pas tout le temps les mêmes boutons, tu sais. Il y en a un que c'est une espèce de barre qui réduit de grandeur à l'écran. Puis il faut que tu pèses le bouton pendant qu'il se promène entre les deux bouts de la barre. T'sais. Donc, évidemment, il se promène de plus en plus vite au fur et à mesure que la barre rétrécit. Mais c'est comme tu es en train de tirer des robots, tu te promènes dans un espèce de camion sur l'autoroute, puis là, tout à coup, bang, ça apparaît pour aucune raison, tu n'avais pas été averti. Puis là, ça te dit juste appuie sur le haut avant que la barre soit disparue. Puis là, la barre est disparue. T'sais. C'est comme l'explication en même temps qu'il faut que tu le fasses. T'sais. Fait que les deux premières fois que j'ai vu ça arriver, je les ai manquées. Là. Il a fallu que je recommence une couple de fois. Il y a une autre fois où, à un moment donné, il faut que tu sautes par-dessus un pont qui est en train de s'écrouler. Fait que là, tu cours, tu sautes, tu cours, tu sautes. Tu te dis, ah, ça va bien, tu sais. Puis là, bang, tout à coup, il faut que tu fasses un quick time event, tu sais, comme de nulle part. Là. Fait qu'encore une fois, tu le manques, puis tu tombes dans le trou, tu sais. Ça, c'est juste ça que j'ai trouvé un peu bizarre, parce qu'ils en ont pas... On dirait qu'ils en ont juste comme pas mis assez pour que tu t'en attendes, tu sais. OK, ouais. C'est comme si à tous les deux tableaux, il y en avait un, tu te dirais, ah, OK, ça va être le temps d'un quick time event. Mais non, tu sais, ça arrive comme 3-4 fois de façon aléatoire dans le jeu. Mais au moins, tu reprennes. Tu t'en attends pas. Là, tu meurs, puis là, ben, tu reprends où c'est que tu étais juste avant le quick time event. Tu sais, au moins, ils ne font pas recommencer 3 niveaux plus tôt. Là, non, et au moins, ça de bon. Fait que ça, je vais revenir au graphique. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bon, c'est un bel univers. C'est vraiment le classique. Akira, là, ce genre de futur-là au Japon avec les robots, là, les bâtisses tout en métal puis en verre, très haute. Une ville futuriste un peu comme dans le cinquième élément, là, où il y a des beaux bâtiments nouveaux qui ont été construits par-dessus des quartiers pourris. Okay. Donc, tu as ce qu'on appelle la slum, là, qui est les taudis qui sont à la base. Puis par-dessus tout ça, tu as la ville là, qui est construite par les robots, là, la super belle ville. Donc, tu as ces deux niveaux-là. Fait que quand tu arrives dans le jeu, au début, tu es dans la slum en bas avec les égouts, avec les humains qui essayent de, qui n'ont pas d'argent, qui vivent dans les taudis, puis qui ramassent la scrap, puis qui essayent de vivre. Puis au fur et à mesure, ben, tu montes dans les buildings en passant par les égouts, puis tout ça. Fait que tu arrives dans les beaux buildings à la fin. Puis là, ben, tu infiltres pour finalement en arriver et infiltrer le siège social de Hamada. Donc, c'est diversifié, c'est bien. La première mission, d'ailleurs, au début, quand on arrive, il faut infiltrer le Japon. Donc, le Japon a été détruit à cause de tous les cataclysmes. Donc, il faut infiltrer le Japon. Donc, on rentre pour réussir à passer les murs qu'ils ont construits autour du Japon. Il y a tous les ponts détruits des anciennes installations. Donc, ça, c'est quand même bien. C'est bien diversifié. Au point de vue des sons, ben en 2012, moi, je trouve que pour rater son coup avec le son d'un jeu vidéo, il faut vraiment faire un effort. Ils ont-tu fait un effort? Ou? Non, ben les armes, c'est des armes, je veux dire, c'est une espèce de mix d'armes qu'on a aujourd'hui, les espèces de mitraillettes puis des fusées un petit peu plus futuristes. Fait que c'est des bruits de balles, comme on est habitué un peu partout. Les voix des personnages, c'est bien fait. La seule affaire où, en fait, les voix des personnages sont bien faites. En fait, ce qui arriverait, c'est plutôt dans la façon que l'histoire est montée. En bon jeu japonais, ça a vraiment été écrit avec une dramaturgie japonaise là, de manga. C'est-à-dire, comme je disais au début, c'est quand les personnages ont des dilemmes, c'est tout le temps les émotions dans le tapis. Tu sais. Okay. Dans le manga, il n'y a pas de nuance. C'est beau, il y a des petits chats cute. Là, tu sais, c'est Hello Kitty. Puis là, tout à coup, bang, bang, bang, les robots arrivent, tout explose, on tire partout, il y a du feu, puis c'est les grosses émotions. Fait moi, je pense que c'est un jeu qui va passer un petit peu en dessous de du radar, surtout en Amérique du Nord, parce que au point de vue du scénario, les gens ici vont moins accrocher avec ça. Les gens qui trippent ces jeux japonais vont comprendre plus le style. C'est un peu comme dans des Final Fantasy ou tout ça, où tu sautes d'une grosse émotion à un autre constamment. T'sais. OK. Mais Vanquish aussi avait passé un peu en dessous du radar, fait que ça me surprendrait pas que ce jeu-là va faire pareil. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, ils ont fait, quand les Japonais font un film ou un jeu où il y a des Marines ou des affaires comme ça, c'est tout le temps stéréotypé à fond la caisse, là. Nous, notre personnage, c'est vraiment le Marine qui survit à tout, là, qui est pas rasé, beau gosse, là, puis qui tire, puis blablabla, puis il y a la pitoune, puis... il y a le gros noir là, tu sais, qui est quasiment comme Sarge là, dans les films là, okay. Avec qui a quasiment un cigare dans la bouche là, puis qui a un gros fusil plus gros que lui là, tu sais. Okay. C'est vraiment hyper caricaturé. Ça fait penser beaucoup à Final Fantasy avec Tifa puis justement l'autre personne noire, tu dis le cigare, puis toi t'es clown, puis ouais, c'est ça. Mais les Japonais, c'est leur façon de faire de la dramaturgie. C'est pour ça que les JRPG, puis ces jeux japonais-là, ça marche moins en Amérique du Nord. C'est pour ça aussi que les jeux comme Call of Duty, ça marche pas au Japon. T'sais. C'est la façon de raconter l'histoire est différente. Mais ça devrait pas arrêter le monde, en tout cas, je pense, d'essayer Binary Domain, parce que l'action est bonne. C'est juste que quand tu suis le jeu, puis justement, comme je disais, on te demande de faire des choix dans le jeu, t'embarques pas vraiment, parce que c'est tellement comme... Tout est over the top. Tu sais, la résistance là, qui vit dans les... Tu sais, tout est hyper stéréotype, là. Ton chef, ton général américain aussi, là, c'est ça. Il y a un moment donné dans le scénario, il y a le classique policier japonais là, avec son assistant. Si vous avez déjà vu les films d'action japonais, dans tous les films, c'est comme ça. Il y a le policier, le détective japonais avec les grosses lunettes, là, puis il y a tant son assistant qui est bien niaiseux, tu sais. Fait qu'il y a ça dans ce jeu-là aussi. Là. C'est okay. Vraiment... Ils ont fait un scénario comme ils connaissent. Là. Ce qui fait que ça va peut-être moins connecter. Surtout que c'est un jeu qui sort en même temps que Mass Effect 3, où la dramaturgie était vraiment peaufinée à fond avec les choix. Tu regardes ça, ça a l'air de quelque chose qui a été un petit peu plus garoché. Ouais. Mais comme je disais, pour les gens qui trippent sur les jeux d'action, il n'y a pas de problème, allez-y. Puis ceux qui trippent sur les jeux plus japonais aussi, vous allez vraiment tripper pour ça. C'est un jeu qui n'est pas facile à trouver. Moi, je m'en allais comme une journée de même, je m'en allais l'acheter parce qu'il était sorti. Et il n'est pas au Future Shop ni au Best Buy. Okay. Il faut vraiment que j'aille chez un EB Game pour le trouver. Puis il était vraiment comme en dessous du comptoir. Là. Il était comme caché. Ouais, c'est ça, on dirait qu'ils ont peur de le vendre. Puis c'est un peu la même affaire qui est arrivée avec Vanquish. C'est comme on dirait qu'ils n'ont pas vraiment fait beaucoup de publicité. C'est vraiment, on dirait qu'ils ont peut-être mis les efforts justement au Japon. Là, c'est un jeu Sega. Puis qu'ils se sont dit, on vendra ce qu'on vendra en Amérique du Nord. Là. Donc, pour ceux qui veulent le trouver, ben, ça se trouve en ligne. Sinon, c'est ça. Il faudrait vous le commander s'il n'y a pas, mettons, d'EB Game dans votre ville. Ou si vous n'avez pas un vendeur local qui a décidé de le tenir. Là. Ouais, peut-être Future Shop en ligne ou Best Buy en ligne. Ben, la preuve, c'est que moi, je suis allé chez EB Game le chercher. Je l'ai acheté. Puis le gars m'a donné une copie qui venait avec le coupon des bonus pour les gens qui avaient fait la précommande. Okay. Parce qu'ils n'ont pas assez vendu de précommande, fait qu'il leur restait des billets avec le code de précommande. Bon, c'est pas vrai. Donc, moi, j'ai réussi à avoir tous les bonus de la précommande sans payer pour la précommande. T'sais. C'est pas vrai. Puis le jeu, tu vends combien? Ben, c'est un jeu à 60$. Là. OK. Peut-être un peu cher pour... Je sais que présentement, il y a un deal aussi sur le site web de EB Games. Si vous l'achetez, ils vont vous donner gratuit une copie d'un autre jeu qui s'appelle Alpha Protocol. Oui, mm-hmm. OK. Qui, je ne sais pas si vous avez joué. Non, mais j'ai entendu parler. Comme quoi que c'était quand même bon. C'est un jeu que vous pouvez trouver à 10$, 5$ présentement. Là. C'est un jeu qui vaut la peine d'être joué, vraiment. Là. Les graphiques sont pas excellents. L'histoire, c'est une histoire aussi où tu fais des choix, où les choix influencent plus qu'est-ce qui se passe, par exemple. Mais c'est un jeu d'espionnage. C'est un peu un espèce de... comment je dirais? Un espèce de Deus Ex Mini, dans le fond. C'est où tu peux rentrer stealth, tu peux rentrer en tirant. C'est un peu la même mécanique que Deus Ex. Un petit peu moins bien fait, là, les graphiques moins beaux, évidemment. Là. Mais c'est un excellent jeu, pareil, Alpha Protocol. Fait que si jamais vous êtes le genre à commander vos jeux en ligne, allez voir sur ebgames.com ou GameStop.ca, je pense. Ouais. Moi, je ne sais pas si la page était... En tout cas, il me semble par défaut, quand je vais sur GameStop, il est sur le site canadien. Donc, moi, j'ai vu qu'il donnait Alpha Protocol gratuit avec. Ça va vous donner au total peut-être 30 quelques heures de jeu si vous jouez les deux. OK. Binary Domain, il y a combien d'heures de jeu à peu près? Moi, j'ai joué une douzaine d'heures. OK. Fait que toi, tu conseillerais au monde de l'acheter? Oh, moi, je dis, si vous aimez ce genre de jeu-là, allez vous l'acheter. Si vous voulez... si vous avez aimé Vanquish, si vous aimez un peu les jeux, un peu comme justement Gears of War, Mass Effect, ce genre de tir-là, avec un petit bonus dans le sens où tu peux avoir les commandes vocales et tout ça, ça vaut probablement la peine. Je pense que ça vaut peut-être plus la peine pour les gens qui ont les deux consoles de l'acheter sur Xbox, juste peut-être que c'est parce que si vous avez la Kinect, là, on s'entend, là. Si vous avez la Kinect, ça vaut peut-être plus la peine. Sinon, si vous avez un casque, moi, j'ai pas de casque, donc, j'ai pris un micro normal, un micro USB. Mm-hmm. Ça marchait bien, mais j'ai l'impression que peut-être que la Kinect fait peut-être une meilleure job pour la reconnaissance vocale. Okay. Faut quand même crier assez fort. mais on peut ajouter, en tout cas, on peut ajouter le niveau de bruit de fond et tout ça. Fait que, mais ça marche quand même assez bien. C'est mm-hmm. juste que dans le feu de l'action, des fois, tu cries quelque chose. Tu sais, tu cries « couvrez-moi », puis là, l'écran détecte « sweet ». Là, le personnage pense que tout va bien, tu sais. Fait qu'il reste là, il varie. Fait que des fois, il faut le répéter une couple de fois, mais c'est pas si pire. Moi, je pensais que ce serait vraiment un gadget, là, que ce serait nuisible. Fait que au début, j'ai commencé à jouer avec les boutons. Après ça, je me suis rappelé que j'avais un micro USB chez nous. Je l'ai branché. Puis là, à un moment donné, j'étais un petit peu frustré parce que les commandes marchaient pas super bien. Fait que je suis retourné avec les commandes, juste les boutons. Puis là, j'ai fait « Ah non, ça marche pas, faut vraiment que je fasse la voix. » Fait que là, j'ai pris le temps avec le micro de faire chaque mot, d'enregistrer chaque mot avec ma voix. Puis là, après ça, ça allait vraiment bien été. Ah, c'est bon. C'est un bon truc aussi pour le monde qui l'achèterait. Oui, c'est ça. Prenez le temps de faire le training de la voix. Ça vaut vraiment la peine. Je sais pas, je sais que Mass Effect, c'est la même chose. Tu peux faire des commandes vocales. Je sais pas à quel point il faut que tu fasses l'entraînement. Là. Je sais que, tu sais, Ian Richards qui l'avait essayé sur Monsieur Net. Il disait que ça fonctionnait très bien. Ouais. Je ne rappelle plus, si, en tout cas. Mais je sais qu'avec ce jeu-là, en tout cas, il faut vraiment prendre le temps de faire tous les mots et de bien les faire. Bon. C'est bon. Si vous avez un accent très fort, ça se peut que vous ayez à répéter une couple de fois. Ça se peut qu'ils ne comprennent pas. C'était mon jeu que j'ai fait cette semaine. Parfait. Mm-hmm. Alors, on est de retour. Ça va être le temps de ma petite chronique qui va être pour ce podcast-ci une chronique que j'appellerais technologique. Gadget. Ou un gadget. Il me dit de la charger justement. J'allais justement vanter la batterie de cet petit objet. Il me dit de la charger, mais vous allez voir, c'est bon pareil. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une mini tablette de 4,3 pouces. De la compagnie Skytech qui s'appelle le Primer Pocket Mini. Il est en vente chez Amazon pour environ 83$. Si vous le cherchez, ça joue entre 80, ça, à peu près 83 et 95$. C'est une petite tablette qui, ben, une tablette, c'est à peu près la grosseur d'un iPod. Là, j'appellerais pas ça une tablette. Pour moi, une tablette, ça a au moins 7 pouces. Même si la compagnie appelle ça une tablette. C'est presque un iPhone. Là. C'est un petit peu plus gros qu'un iPod. Pas beaucoup. Ça roule Android 2.2. C'est un écran LCD de 4.3 pouces, multitouch, mais c'est du résistif. C'est pas du capacitif comme un iPhone ou un iPad va l'être, puisqu'on fait juste toucher, puis ça détecte le bout du doigt. Ça détecte vraiment la pression. Fait qu'il faut vraiment peser sur l'écran pour que ça détecte qu'on a fait un choix. Son côté positif, il vient avec Angry Birds préinstallé. Mais je n'ai pas encore joué à ça. Mais sérieux? Mais pour ceux qui ont joué à Angry Birds sur un iPhone ou sur un iPad ou sur un iPod Touch ou même sur Android, sur des écrans capacitifs, sur un écran résistif, c'est différent. Oui, ça parce que si vous ne pèsez pas assez fort, il ne détecte pas le toucher. Et si vous pèsez et vous relâchez juste un petit peu votre toucher, ben votre oiseau il est parti ou ce qu'il faut pas. C'est plus difficile à jouer. Il faut vraiment garder une pression constante. Puis il y a aussi un lag. Là. C'est vraiment, on dirait qu'on joue au ralenti. Probablement que la machine n'est pas assez puissante pour le rouler comme il faut. Puis tu avais dit que c'était le point positif? Ben, c'est le point positif, c'est qu'Angry Birds vient dessus. C'est un petit processeur de 600 MHz. Mais c'est pas un processeur ARM. C'est pas un processeur qui est normalement utilisé pour rouler des tablettes Android, qui est justement son point faible. Je vais y revenir. Il y a 256 MB de DDR2 inclus dedans. Il y a une petite fente en dessous pour ajouter, ben pas en dessous, sur le côté, pour rajouter jusqu'à 16 GB de RAM avec une carte micro SD. Il y a 4 GB de mémoire sur la mèche, sur le bidule. Fait qu'on peut mettre jusqu'à 4 GB de stock de musique vidéo, des choses comme ça. Il y a une résolution de 480 par 272 en format 16:9. Il y a du sans fil B, G et N. Le processeur, c'est un MIPS X Burst. Puis son côté faible qui fait que c'est pas nécessairement quelque chose que je voudrais utiliser moi comme tablette Android. Il ne supporte pas le Android Market. Fait que toutes les applications qui se retrouvent sur le Android Market ne roulent pas là-dessus. Oh. À cause que c'est pas un processeur compatible. Il a son propre processeur. Il a pas son propre processeur. Il a son propre magasin qui est GetJar. Vous pouvez trouver certaines applications là-dessus. C'est très, très minime. J'ai même essayé un autre marché qu'on pouvait installer dessus. Si je vais voir, il y a Mobile Market, un Mobile Market, One Mobile Market. Là. Il y a certaines applications que vous pouvez trouver là-dessus. C'est pas le Android Market, mais il y a beaucoup d'applications à trouver. J'ai essayé d'installer Skype, ça fonctionne pas. J'ai essayé d'installer Dell Voice dessus, ça fonctionne pas. J'ai essayé d'installer d'autres applications, il n'y a rien que j'ai réussi à faire rouler là-dessus du Android Market. C'est à cause de son processeur. Pourquoi que... Fais-tu vraiment la peine de faire des points positifs après tout ça? Ben, tu penses pareil comme moi? Ben, je te dirais la chose, puis je l'ai montré à Annick un peu, j'ai montré une vidéo dessus. L'écran est vraiment beau. Mais il est pas cher. Il est pas cher. Je disais, pour 83$ US, là, il est pas cher. Ça fait un beau remplacement pour un iPod, mais moins les applications. Quelqu'un qui joue à des jeux là-dessus, c'est pas ça. Il veut écouter de la musique, il veut regarder des vidéos. L'écran est superbe pour des vidéos, là. L'image est vraiment claire, l'écran est beau. Puis, comme je disais quand j'ai commencé à critiquer, puis j'ai dit, ah, il m'a dit de charger la batterie. Je l'ai chargé quand je l'ai eu. Ça doit faire à peu près 3 mois que je l'ai. Je m'en ai pas servi depuis à peu près un mois et demi, je dirais. Je l'ai jamais rechargé. Il vient de me dire que la batterie est morte. Fait qu'en stand-by, là, en attente, si vous vous en servez pas, la batterie est interminable. Là. Sauf que ça donne rien d'avoir ça si tu la laisses en stand-by. Non, non, non. Mais je veux dire, en attente, c'est pas comme j'ai une PSP, puis si j'ai eu le malheur de pas la charger pendant un mois, faut que je rentre la date, faut que je la reconfigure parce que la batterie est morte. OK. C'est peut-être ma PSP qui est pas neuve. Moi qui est assis à aller au bout de la table puis qui voit pas très bien, est-ce que c'est une tablette qui est bien faite? C'est pas si fait. Mettons que pour ce prix-là, là, ce que tu me dis, moi, c'est le genre d'affaires que tu donnes aux enfants quand tu es en voyage pour qu'ils écoutent des films puis qu'ils te sacrent patience, mais est-ce qu'ils vont la détruire? C'est quand même assez solide. Regarde, je vais la passer à Simon, là, puis il va faire tes mains parce que toi, le bout de la table va jusqu'à Edmonton, c'est long comme table. Là. C'est un peu comme la table dans Batman, le premier Batman. Tu peux dire au moins un point fort, c'est R-O-H-S. Ouais, c'est R-O-H-S, il n'y a pas de plomb dedans. Mais c'est quand même bien construit. La seule chose, il y a pour passer d'un menu à l'autre, c'est des boutons physiques. On ne peut pas revenir nécessairement sortir d'une application sans utiliser les boutons physiques sur la tablette ou sur le bidule multimédia. Là, il y a un bouton « Home », il y a un bouton « Back ». Il y a des boutons pour les volumes, puis il y a un bouton pour l'éteindre en dessous. Il y a une prise d'écouteur, il y a une prise micro USB, puis il y a une prise micro SD, mini USB, puis il y a une prise micro SD pour rajouter de la mémoire. C'est tout ce qu'il y a. Fait que pour donner un enfant, s'il veut écouter de la musique puis regarder des films, je dirais pourquoi pas à ce prix-là, même s'il la briserait au bout d'un an ou de 6 mois, c'est moins pire qu'un iPod. Quand la batterie est déchargée, c'est déjà plus bon, je te gage. Je sais pas, moi, t'as dit, mais que je la recharge plus tard. Mais non, je veux dire, les vrais commentaires négatifs de la tablette, c'est son manque de compatibilité avec le marché Android. Si c'était pas de ça, s'il fallait que cette tablette-là soit, ou ce lecteur multimédia-là soit vraiment compatible avec le marché Android, ça serait un deal, là, ça serait un vol. Pour son prix. Pour le prix, parce que là, j'essaie Angry Birds présentement. Et, c'est ça, tu vois qu'il y a une espèce de lag. Ben, là, lancer la tablette au lieu de lancer un oiseau. C'est ça. C'est presque ça, mais ça ne me tente pas de payer à Luc 80 quelques pièces. On joue au ralenti. fait que c'est ça, mais c'est pas méchant comme produit, c'est juste que ça fait pas ce que ça annonce, que ça fait vraiment. Vu son manque de compatibilité au marché Android. C'est plate parce que oui, pour un petit écran, ce que je peux voir ici, puis c'est portant, tu veux regarder un film, tu es en train, tu t'en vas travailler, ben tu mets ça, puis tu écoutes ça. Je trouve ça oui, parce que je sais que toi, tu étais fort là-dessus de pouvoir mettre ça dans tes propres poches. Ouais, c'est sûr que c'est bien, mais le feeling n'est pas mauvais aussi. Là, c'est du solide quand même. C'est bien, bien construit. Mais je trouve ça dommage avec les points que tu as énumérés. Ça va probablement moins le contour étant comme en caoutchouc, ça va probablement moins se graffiner ou un iPod, ça ternit. Pas dans un caoutchouc. Ça vient graffiner. Ben c'est un plastique. C'est en plastique. Ouais. Puis il y a un petit haut-parleur aussi, fait que si jamais vous n'avez pas d'écouteurs, vous pouvez écouter la musique sur vos petits haut-parleurs. Mais je bémol sur l'écran, là, vraiment le touch. Là. Ouais, c'est pas pareil. Comme je dis, c'est résistif. Fait faut vraiment que ça détecte le toucher. Vraiment une pression et non pas juste... Est-ce que ça vient au moins avec un stylet? Parce que les écrans stiff, habituellement, ça venait avec des stylets. Non, ça ne vient pas avec un stylet. Dans la boîte, il y a les écouteurs, puis il y a le lecteur, puis il y a le livre d'instruction. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Puis aussi, dans la boîte que j'ai reçue, c'était marqué « Si jamais il ne démarre pas, utilisez une trombone et faites un reset. » Reset. Et effectivement, quand je l'ai allumé, elle n'est pas partie. Il a fallu que je fasse un reset. Ça, depuis ce temps-là, ça fonctionne. Ouais, okay. C'est ça. J'ai trouvé que ça commençait un peu mal, mais je veux dire, c'est bien. Là. Je m'en ai servi pour écouter une couple de films puis un peu de musique. Puis pour ça, ça fonctionne bien. Peut-être lire des livres électroniques? C'est petit un peu. Okay. 4 pouces, c'est petit pour lire un livre. Ça pourrait se faire, mais moi, je trouve ça personnellement un peu petit. Mais donc, dans le fond, ça vient juste cibler une clientèle. Ouais. Ça, si vous voulez voir un peu ce que Android a l'air sans payer une fortune, ça vous donne un peu la chance de voir un peu comment Android fonctionne, mais c'est une vieille version. Là. C'est 2.2, c'est Froyo, ce qu'ils appellent le Frozen Yogurt. Là. C'est une vieille version. Là. C'est pas optimisé pour les tablettes. Puis cette bidule-là aura jamais droit à 4.0 là, qui est Gingerbread ou les nouvelles versions là, Ice Cream Sandwich, ça ne roulera jamais là-dessus. Il n'y a rien d'autre qui va rouler là-dessus que cette version-là parce que c'est pas un processeur qui est fait pour pour rouler Android en partant. Là. Il roule l'OS, mais il n'y a aucune application qui roule. Déjà que je suis surpris qu'Angry Birds roule là-dessus. Ben, il ne roule pas, puis il ne va pas non plus. Ben, il fonctionne au ralenti. Oh, on a l'impression de jouer au ralenti. Fait que, est-ce que je vous recommande de vous acheter ça? Pas vraiment. Est-ce que je l'ai acheté? Pas vraiment non plus. Yeah. C'est quelque chose qui a fait que j'ai réussi à en avoir pour faire la critique et je suis pas certain qu'elle va servir beaucoup, à part peut-être regarder des films et des choses comme ça, là, en voyage. Mais à part de ça, si vous voyez ça, puis même si... Puis comme je voyage beaucoup, c'est ça. si vous voyez ça sur une tablette, à part si vraiment c'est 30, 40 ou 50 piastres, puis vous voulez avoir un lecteur multimédia juste pour regarder des films puis écouter de la musique pour pas trop maganer votre iPod quand vous allez à l'école ou quand vous allez au travail dans le métro puis que ça vous dérange pas de vous faire voler ça au lieu de vous faire voler votre iPod, achetez-vous ça. À part de ça, on passe à d'autres choses. Oui, parce que 50$, on s'entend, là. Pour 50, ça serait parfait. Ah oui, c'est un beau gadget à donner, justement, ce qu'Éric disait, là. Ouais, mais aux enfants, là. Mais wow. 90$, c'est un peu cher. Tant qu'à ça, économisez votre argent une couple de mois de plus, puis achetez-vous un iPod. C'est ça. Ça va faire. Y a-tu vraiment aucun jeu dessus, genre, qui roule? Gas, parce qu'à un moment donné, je me suis tanné. Okay. J'ai essayé d'en télécharger, ça marchait pas. J'ai téléchargé d'autres choses, ça marchait pas. Fait que je me suis contenté de mon Angry Birds. Puis encore là, je peux jouer Angry Birds sur mon iPad. Fait que j'ai joué une couple de parties. Puis quand je me suis aperçu que c'était plus ou moins, ça répondait plus ou moins bien. C'était lui qui était rendu angry. C'est ça. Fait que j'ai passé à d'autres choses. Puis c'est ça. C'est pas quelque chose à acheter si vous avez des grandes attentes pour un lecteur de ce genre-là. C'est bon pour dépanner, c'est bon pour traîner dans votre poche pour l'autobus. L'écran est plus gros qu'un iPod, parce que la grosseur de l'écran, c'est à peu près la grosseur totale du iPod. Quand vous comparez là, avec les côtés puis tout le case, l'espèce de boîtier du iPhone, est à peu près la même grosseur que l'écran de ça, fait que c'est un petit peu plus grand. Mais pour 200$, moi je trouve qu'il y a déjà des mêmes, je pense que c'est des Asus, il y a des tablettes. Oh, oui. Qui viendrait plus me chercher là. Que ça. Mais ça dépend de votre budget. Comme je disais, si vous le voyez à 50$ puis vous avez besoin de quelque chose pour vous dépanner, c'est parfait. Ça ne vous dérangera pas nécessairement de le briser s'il tombe à terre. Tandis qu'un iPod à 250$, c'est plus fatigant. Mais dépêchez-vous avant que la compagnie à l'arrêt. Ils produisent beaucoup de choses, Skytech. Si vous allez voir sur leur site, ils ont des tablettes plus grosses que ça. Ils font bien des choses. C'est vraiment... toutes de cette qualité-là. Avec des processeurs qui ne roulent pas vraiment Android. Si oui, ben peut-être qu'ils vont faire faillite. The sky's not the limit. Ouais. Puis c'est une compagnie de Californie. Fait que j'aurais pensé peut-être que ça venait en Chine. Tu sais, okay. Un produit chinois, pas de gamme. Puis ouais, mais c'est une compagnie californienne. C'est fait en Chine. Et voilà. Mais l'iPad aussi. Mais c'est une compagnie californienne. Fait que c'est un design qui vient des États-Unis. Donc c'est qui tu connais en Chine, en fait? Ça doit être ça. Ah. De toute façon, c'est presque tout fait chez Foxconn. Fait que... Donc, c'est ça. Si vous voyez ça, ben vous pouvez passer à côté, à moins que vos attentes soient très basses. C'est ça. Ça résume bien. C'est à peu près ça. Hmm. Donc, on va passer à... Bye Skytech. Bye Skytech, c'est ça. Je te chargerai plus tard. Get your suit on, man. Here we go. Suit up. Suit up. Donc, on va passer à un jeu. Le jeu, c'est Disney Universe. Bon, c'est un jeu qui a déjà été critiqué à Monsieur Net par, me semble, c'est Bruno Georget. C'est un jeu qui est disponible sur la PS3, la Xbox 360, la Wii et le PC. Moi, je l'ai joué sur la Xbox 360, sorti le 25 octobre 2011. Puis, c'est un jeu un peu ressemblant, je dirais, c'est un mix entre Lego puis Little Big Planet dans le look et le style de jeu. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un jeu qui est vraiment cute, là. C'est les personnages de l'univers de Disney. On joue, c'est pas mal le même bonhomme qui s'habille dans un costume de personnages différents. On va avoir Mickey Mouse, Minnie Mouse, on va avoir Dingo, on va avoir Simba du Roi Lion, on va avoir des personnages de Tron, on va avoir des personnages de Pirates des Caraïbes. Donc on met des costumes. Les costumes n'ont pas nécessairement des pouvoirs qui sont différents. C'est vraiment plus le look, puis l'espèce de bâton qu'on a pour taper nos ennemis qui va changer. Il y en a que ça va être une fleur, l'autre ça va être une tapette à mouche, l'autre ça va être comme une antenne ou des choses comme ça. Fait que ça, dépendant du personnage, il est habillé un peu différent, mais on a pas mal les mêmes pouvoirs toujours. On va passer à des niveaux différents, fait qu'on va commencer. Il y a en tout, il y a 6 niveaux. Il y a les niveaux de Alice au Pays des Merveilles, les Pirates des Caraïbes, le Roi Lion. Il y a Wall-E, il y a Monstre Incorporé, puis il y a Aladdin. On va se promener dans ces mondes-là. On va battre des ennemis. On a des buts à faire. C'est-à-dire, on va aller chercher. Ça peut être dans le niveau d'Aladdin. Il faut trouver les 3 diamants cachés avec des étoiles pour mettre nos personnages plus forts. Ils vont être endurer plus de dommages causés par les ennemis. On va se promener, on va avoir des vagues d'ennemis qui vont nous arriver. Des fois, pas nécessairement quand on s'en attend, mais aussitôt que ça commence à aller un peu bien, on trouve quelque chose, on trouve qu'est-ce qu'il faut faire, on installe nos affaires, puis là, pouf, on se fait attaquer par nos ennemis. Puis là, ben, faut se défendre. On peut jouer jusqu'à 4 personnes. À date, on a joué, nous autres, jusqu'à 3 personnes. Puis c'est quand même assez bien. La seule chose que j'aurais aimé qu'ils puissent faire, vu que c'est un jeu qui s'adresse aux enfants, ça aurait été peut-être de pouvoir enlever le mode « Quand je tape les ennemis, je te tape aussi, ça suce. » Parce qu'on se ramasse à se tuer entre nous autres. OK. Même Bastien aime bien ça, lui. Bastien adore ça. Il aime trop ça. Oui. Ah oui. Mais aussi, comme Annick, elle disait ça, elle dit « Moi, il me semble que ça serait assez plate qu'on se tape dessus quand on tape les ennemis. » Parce qu'à un moment donné, il arrive une vague d'ennemis, il peut arriver 20 ennemis en même temps. Puis là, l'écran vient plein d'ennemis. Puis là, tu tapes partout. Puis là, ben l'autre passe en avant de toi et taf, taf, taf, taf. Je te tue, mais je voulais pas te tuer. C'est l'ennemi que je voulais tuer. Puis là, ben quand c'est un peu comique, parce que là, tu viens raide comme une barre, tu tombes à pleine face. Puis là, tu réapparais un peu plus loin. Puis là, tu reviens. Puis là, tu continues à taper. Mais après ça, on disait, mais ça serait le fun si on enlèverait le mode si je te tape, tu meurs. Tu sais, que ça te donne pas de dommages, comme tu peux faire dans certains jeux. Mais d'un autre côté, c'est un jeu compétitif. C'est un jeu qui peut aussi être compétitif. Ce qui se passe, l'histoire des Disney Universe, c'est que ça nous est présenté un peu comme un parc thématique de Walt Disney. Fait qu'on arrive là, puis venez visiter nos mondes enchantés, puis vivre une aventure incroyable où rien ne peut vraiment vous arriver. Fait que passer à travers les histoires en ressentant l'excitation de voir l'histoire, mais vous vous ferez jamais faire mal. Mm-hmm. Fait qu'il y a un petit cube très gentil qui nous présente l'histoire, puis là à un moment donné il se fait comme hacker, puis on s'aperçoit qu'il y a un petit cube rouge qui est lui moins gentil, qui s'appelle X, que lui son but c'est le contraire. Fait que là, il essaie de prendre possession du monde de Disney Universe, mais là, les robots viennent méchants, puis on peut vraiment se faire mal. Puis c'est dans ce monde-là qu'on se retrouve. Fait que là... Donc, il y a des boss. Il y a des boss. Il y a des boss qui sont pas nécessairement des boss de fin de niveau. Ils vont arriver à un moment donné, n'importe quand. Il va arriver un gros aléatoire. Bonhomme plus fort, puis là, lui, il va être plus dur à frapper. Pas nécessairement aléatoire. C'est quand tu finis un tableau, si tu fais... quelque chose si près, là, comme il te demande de rentrer tel objet à une place, tu le fais, ben, il arrive là. C'est pas ça. Nécessairement à la fin du niveau, mais à la fin d'une étape du niveau, il va apparaître. C'est ça. Si, mettons, faut que tu empiles des choses pour passer au prochain à prochaine étape, ils vont te mettre une vague d'ennemis. Aussitôt que tu vas réussir à placer, mettons, deux des trois choses, il t'en manque une. Pour ou t'empêcher. C'est ça, de réussir à faire le troisième. Ou tu mets le troisième, puis là, ils vont t'attaquer. Avant que tu réussisses à... Mettons, faut que tu mettes trois comme dans le Alice au pays des merveilles, on promène des montres. Puis t'as des places stratégiques où il faut que tu mettes une montre, ça va reculer le temps. Fait que, mettons, t'as un escalier qui est tout défait, tout écroulé. Tu vas mettre la montre, ça va reculer le temps, l'escalier devient visible puis utilisable. Là, okay. Tu peux monter ou traîner quelque chose en haut puis en bas. Mm-hmm. Fait que là, tu vas mettre, mettons, ta montre. Là, hop, ils vont te mettre une vague d'ennemis parce que ta prochaine étape, ça serait de prendre quelque chose pour le monter en haut pour faire avancer l'histoire ou te faire avancer dans le niveau. Fait que là, ils vont essayer de te ralentir en te mettant des ennemis. Mais ils vont chercher la montre aussi. Oui. Ils s'amusent à déplacer tes objets. Ils déplacent les objets. OK, il ne les prend pas, tu ne les perds pas, mais il faut que tu le cherches. Ouais. Il faut que tu retrouves où est-ce qu'elle est ta montre pour la remettre à sa place. Fait que tu vas avoir un petit ennemi qui va attraper ta montre, puis là, tu vois, il va se sauver avec, il va s'en aller, puis là, tu vas aller le taper. Avec une fleur, ou taper ta mouche. Il y a un niveau de... C'est mini. Il y a le niveau, c'est Wall-E, où ce que tu te promènes avec des... tu es dans le vaisseau, puis là, faut que tu... place des machines pour que le rayon sur le plancher aille dans une porte précise. Puis là, il faut que tu fasses rentrer, mettons, tu as 3 robots ou 5 robots à faire rentrer dans cette porte-là. Puis le robot suit la ligne verte, il s'en va dans la porte. Là, à un moment donné, tu as une vague d'ennemis qui arrive. Il y en a un qui va aller pogner ta machine pour la changer de place. Fait que là, tes robots continuent tout droit, puis ils vont se planter dans le mur à l'autre bout. Okay. Des choses comme ça. Fait que faut toujours que tu vérifies quand il y a une vague d'ennemis que tes choses que tu avais placées sont toujours à la bonne place. Parce que sinon, ben, faut que tu commences, faut que tu cherches où ce qu'ils ont déplacé la chose que tu avais besoin. C'est quand même un jeu de logique. Pour des enfants de bas âge, moi, je sais que Bastien pourrait pas y jouer tout seul. Non. C'est trop logique. Fait que c'est 3, mais est-ce que l'écran est divisé ou c'est plate. Non. C'est comme Lego, mais les premières versions de Lego, où ce que tu peux pas t'éloigner. Toi, tu peux pas aller à gauche, puis l'autre s'en va à droite parce que tu vois plus rien. C'est ça. Ils vont quand même, si t'es 3 puis tu te sépares, ils vont quand même zoomer en arrière jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, ça arrête, puis c'est pas assez. Les niveaux sont vraiment vastes, là. C'est comme, à chaque niveau, tu commences, t'es dans la première petite partie. C'est comme séparé en comme, trois parties. Fait que tu vois la première partie, tu peux étirer à peu près jusqu'au maximum de cette première partie-là, mais pas tout à fait. Fait que tu vas peut-être avoir un palier où ce qu'il faudrait que tu montes que tu n'es pas capable de monter si l'autre est à l'autre bout parce que ça étirera pas assez loin, ça zoomera pas assez loin pour que tu puisses vraiment te rendre aux extrémités. Donc deux personnes ne peuvent pas faire des quêtes différentes. Si mettons moi je veux partir avec la montre puis aller la déposer complètement à gauche, ben l'autre peut pas sauter dans le chapeau pour monter au deuxième étage. Donc il faut vraiment que tu suives l'autre, que tu casses tes choses parce que c'est un peu comme Lego, donc tu ramasses des scènes. Donc, c'est quasiment ramasser les scènes pendant que l'autre fait les quêtes. C'est ça. Tu peux... C'est coop, là. Ouais, c'est coop, mais c'est ça. Tu peux aussi frapper l'autre, le tuer, puis ramasser ses sous. Parce que tu ramasses des oreilles de Mickey Mouse. C'est comme des Mickey Mouse, c'est de l'or du jeu. Okay. Après ça, tu peux acheter des costumes, tu peux débloquer tes autres tableaux avec cet argent-là à l'intérieur du jeu. Fait que, quand tu meurs, t'échappes une partie de tes sous à terre. Tu peux revenir et les re-ramasser. Un peu. Mais si tu meurs, tu peux les re-ramasser quand tu reviens. Parce qu'ils sont encore là. Mais quelqu'un qui n'est pas fin pourrait te tapocher jusqu'à ce que tu meurs puis voler tes sous. Pour avoir le plus de sous et devenir numéro 1. Fait que c'est pour ça que ça peut devenir compétitif ou coop. Mais je veux dire, si tu joues ça avec ta famille, tu n'iras pas nécessairement bâcher quelqu'un. Non, c'est pour ça que tu le tapes. Il y a ça un intérêt. Y'a-tu un intérêt à voler les affaires des autres? c'est le classement à la fin du jeu. Quand tu finis le niveau, t'as numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4 si t'es 4. Fait que t'as comme les podiums. Mais tu peux pas jouer en ligne avec ça pour compétitionner avec d'autres, là. Non, à ce que je sache, ça joue juste local. J'ai pas essayé de voir s'il y avait une partie en ligne, mais je pense que non. Il me semble qu'il n'y a pas de en ligne. Fait que tu mets 4 enfants qui veulent tout finir premier, ça va se taper dessus pour finir premier. Le tableau avancera pas. Ça va tout broyer parce que. Le tableau avancera pas. Mais. Le gagnant, il gagne la tablette à 80. Et voilà! fait que c'est ça. Fait que c'est. Mais c'est intéressant, je veux dire, les univers, les niveaux sont super bien faits. C'est coloré, là, c'est vraiment super beau. À la beau. Walt Disney. Ouais, oui, les graphismes okay. sont super beaux. On a joué pas mal tous les niveaux. On était à celui d'Aladin après-midi, puis celui d'Aladin est vraiment beau. Là. T'as du sable, t'as des couchers de soleil. Ouais, ouais, ça a vraiment l'air des dessins animés. Là. C'est vraiment le lion, fun. Il est sombre, et puis c'est des... du volcan, donc de la lave partout. C'est un peu moins friendly parce que mon fils, il se tuait dans la lave. Il tombait toujours dans la lave. Donc, je me tuerais aussi dans la lave. Ouais. mais c'est ça. T'as des niveaux qui sont un peu plus faciles, d'autres un peu plus difficiles. Mais c'est toutes des choses de logique. On peut finir le niveau sans nécessairement tout faire, par exemple. Ouais. Fait que t'es pas obligé de ramasser. Comme j'en ai l'exemple, dans le niveau d'Aladin, c'est des diamants. Il y a 3 diamants à trouver. Tu peux finir le jeu sans ramasser tes diamants. Tu as des costumes à ramasser. Tu as 45 costumes dans le jeu à ramasser. Tu pars avec peut-être 5-6 costumes de débarrer. Puis après ça, à chaque fois que tu finis un niveau, mettons tu finis le niveau d'Alice au Pays des Merveilles, tu vas débarrer un costume. Mais il y a 3 niveaux. Mais c'est ça, il y a comme 3 niveaux à faire. Même. Par monde, il y a 3 niveaux par monde. Fait que tu commences, tu avances, mais le costume est à la fin. T'as 2 costumes par étape. Faut que tu fasses le niveau deux fois pour les débarrer. Fait qu'il y a une rejouabilité. Mais c'est-tu normal, Nightmare, puis elle? Non, c'est toujours la même difficulté, mais faut que tu refasses le niveau pour débarrer tous tes costumes. Ça fait penser à comme du Dead or Alive quand tu veux débloquer les costumes. Ouais, un peu. C'est mieux que Lego, parce que Lego, des fois, faut que tu recommences 4 ou 5 fois le même petit bout pour avoir toutes tes mini-kits, puis t'avais plein de choses à ramasser. Dans ça, t'as l'étoile. Une étoile, ça va augmenter l'endurance de ton personnage. Fait que tu vas monter ton personnage de niveau. Chaque personnage peut être monté jusqu'au niveau 4. Fait que t'as 45 personnages. x4. Fait que faut que tu ramasses 4 étoiles par personnage, toutes les monter au niveau 4. Ça doit débarrer un succès. Ça débarre un succès sur Xbox. Sûrement un achievement sur PS3, là, pour le monde qui aime ça. Un trophée. Puis c'est un achievement. Tu vas frustrer tous les fans de PS3 si tu as un trophée. Un trophée. Fait que t'as ça. T'as, dans chaque niveau, c'est ça, t'as soit des diamants. Dans Aladdin, t'en as 3. Dans Roi Lion, c'est des espèces de bébites qui mangent dans le film. Là, ils mangent des espèces de coccinelles, je sais pas trop quoi. Faut que tu ramasses ça. Dans Wall-E, c'est un hamburger avec une liqueur. Des larves. Des larves, ouais, c'est ça. Fait que chaque... Tu manges des larves? Ouais. Chaque niveau a des choses différentes à ramasser. Fait que c'est intéressant. Il est trouvable, pas tellement cher présentement. Je pense qu'il est à 29,99 ou 39,99, dépendamment de la console ou d'où vous le magasinez. Là. Oh. Puis il y a des mini-jeux dans chaque. Oui, il y a des mini-jeux dans chaque. À force de faire des choses à niveau, à un moment donné, il va vous apparaître une machine d'arcade. Vous allez proche de la machine, vous faites Y, parce que dans ça, Y, c'est pour prendre un objet ou interagir avec un objet. Vous allez partir un mini-jeu. Ça peut être... Là, c'est tout le monde dans la même arène. Si vous avez joué à 2, bien, vous êtes 2 dans cette arène-là, sinon 3 ou 4. Puis là, il y a un but. Ça peut être de taper vos amis. Fait qu'il faut se taper entre vous autres, celui qui va survivre le plus longtemps. Mmh. Après ça, il y en a, c'est ramasser des pièces. C'est tuer 50 ennemis. Éviter des tornades, éviter des boules de feu, éviter des bombes. C'est des petits mini-jeux. Puis. Ça attire beaucoup les enfants. Ouais, c'est la partie le fun. Mais en complétant, est-ce que ça te donne un bonus, un boost quelconque pour le jeu en tant que tel? Non, ça donne des sous. Ça te permet d'acheter des costumes, des choses à même dans le jeu. Okay. Fait que c'est à peu près ça. Mais c'est un ajout pour intéresser plus les enfants. C'est ça. Mais ça, puis il y a des power-ups, fait qu'il y a des... tu peux avoir un certain pouvoir pour un certain temps, c'est à peu près 30 secondes. Fait que t'as le gentil petit cube qui va venir te donner un pouvoir qui est intéressant, des gants de boxe qui va te transformer en boxeur, fait que tu vas pouvoir frapper plus fort. Tu peux geler les ennemis. T'en as un qui a l'air à... Ça ressemble à être comme de la pâte à beigne. Là. Quand t'approches proche d'un ennemi, il le transforme en pâte à beigne. Après ça, il bouge plus. Fait que tu peux le frapper et le tuer tout de suite. Okay. Mais il y a aussi le méchant cube. Puis il y a le méchant cube que lui aussi, il va dire super pouvoir, puis là tu le ramasses, puis là il va te faire exploser. Te mettre en poule. Il va te transformer en poule. Il va te mettre une boîte sur la tête, puis là tout d'un coup tes commandes sont inversées pour 30 secondes. Fait que si tu vas vers en haut, tu vas aller en bas. Si tu vas vers la droite, tu vas aller à gauche. Il va te transformer en boîte à musique. Mais la boîte à musique, ça, à un moment donné, tu vas peser, ça va tourner. Quand la bidule va sortir de la boîte, ça peut soit te faire exploser ou ça peut te donner des sous. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est pas bon. Il peut te transformer en botte, une grosse botte avec une langue. Puis là, tu peux donner des coups de pied. C'est cartoon. C'est vraiment drôle. C'est le fun à jouer. Fait que je vous dirais, chercher des jeux pour des enfants, peut-être 6 ans en montant, 5-6 ans en montant. Jouer tout seul, peut-être 8 ans et plus. Jouer avec des adultes, je vous dirais, probablement 5-6 ans, là, ça peut commencer à jouer à ça. S'il y a d'autres gens qui comprennent le style de jeu. Qu'il faut s'ils prendre. Ont un petit frère plus grand, une petite soeur plus grande, ouais, peut-être. Ben oui, c'est ça. T'sais, pour dire, bon, ben, il faut que je prenne la montre pour la mettre sur telle place. Parce que le jeu vous prend vraiment. Ben, il y a un mode de jeu qui vous prend par défaut, là, totalement par la main. C'est que vous allez prendre une montre, il va vous mettre une flèche bien, bien insistante, qui va dire va-t'en là-bas, va-t'en là-bas. Puis là, il va même mettre la flèche par en bas pour dire mets ça ici, mets ça ici. Puis là, tu mets ça là, puis là, ça fait l'action. Puis dans les options, il y a une manière d'aller enlever cette flèche-là. Il n'y a aucune directive. Mais je vous dirais, même comme joueur habitué... Ouais, ça nous prend des folies. Pas de directive. Il y a certains niveaux qui doivent être assez quelque chose à trouver. Là. C'est pas toujours évident, même des fois avec les flèches. Parce que des fois, on dirait que les flèches, un coup que le niveau est terminé, on peut sortir du niveau puis passer au prochain... La flèche est insistante pour dire sors du niveau. Mais là, tu n'as peut-être pas ramassé ton diamant que tu voulais ramasser, peut-être pas ramassé ton coffre avec la clé que tu as trouvée pour débarrer une étoile, pour mettre ton personnage un niveau plus haut. Fait que ça peut devenir compliqué. Fait que les flèches, c'est bon pour te donner une idée. Mais si tu fais un niveau, pas de flèche, ça donne un succès. Fait que c'est bon à essayer. Peut-être le premier niveau que vous connaissez par cœur, vous enlevez la flèche, vous le faites pour dévorer votre succès si vous êtes des chasseurs de succès. Là. Mais en tout cas, moi, c'est un jeu qui est le fun. Comme je vous dis, j'avais pas payé 60$ pour ça, mais à 30$, là, ça doit être pas mal d'heures de jeu. On l'a pas terminé parce qu'il faut recommencer les niveaux au moins deux fois pour débarrer les costumes au complet. Puis là, c'est sûr, au début... vous allez le passer peut-être, si vous jouez avec un enfant, vous allez le passer peut-être un peu plus vite que vous devriez. Peut-être pas aller chercher tous vos trois objets collectionnables dans le niveau, puis peut-être pas vos étoiles pour monter vos bonhommes ou peut-être des choses comme ça. Fait que vous allez peut-être vouloir refaire le niveau plus qu'une fois, peut-être plus que deux fois. Là. Mais c'est bon. Rejouabilité, mais j'imagine un coup qu'on va avoir passé à travers tous les niveaux, qu'on va avoir tout fait. Je sais pas si on va nécessairement vouloir recommencer au complet. Pour les costumes. Pour les costumes, mais en faisant tous les niveaux deux fois, théoriquement, tu devrais ramasser pas mal tous tes costumes. Il y a du contenu téléchargeable. Quand vous allez voir sur Xbox Live, j'imagine sur le PSN, ça va être la même chose. Il y a des costumes qu'on peut acheter. Il y a des mondes qu'on est supposé pouvoir acheter. Je sais pas combien que c'est. Il me semble que j'ai vu 240 points Microsoft pour un pack. De costumes, puis c'est peut-être un monde qui va avec ça. Là. Fait que peut-être qu'ils ont rajouté, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Peut-être Cars. Je sais que s'il y a un monde de Cars, je vais être pogné pour l'acheter. Ah, ouais. Mais fait que regardez, il y a sûrement des nouveaux mondes. Je pense qu'il y a Tangled, c'est quoi en français, le film de la fille où je suis avec le. Ah, cheveux longs. Réponse. Je pense qu'il y a le monde de Réponse qui a sorti. Il me semble que j'ai cru voir ça quelque part, mais prenez pas ça pour du cash. Ben, tu me fais réfléchir. Il n'y a pas vraiment de monde de filles. Non, il n'y a pas de princesse. C'est pas vraiment de monde de princesse. Le roi lion, Alice, c'est pas. Alice, c'est peut-être le monde plus. Ouais. Plus féminin. C'est unisex. Ouais, mais c'est le seul. Mais il n'y a rien de princesse, il n'y a pas de Blanche-Neige, de Cendrillon, aucun de ce monde-là. Là. Fait qu'il y a peut-être de ces mondes-là qui sont sortis. T'as hâte de te faire transformer en citrouille? Peut-être que c'est ça que le petit méchant ferait, te transformer en citrouille. Fait que c'est ça, moi je vous dirais, si vous aimez le style Lego, le style, peut-être, c'est pas vraiment pareil à Little Big Planet. Là. C'est vraiment, c'est un peu plus différent. Là. Mais c'est un bon mix des deux. Si vous aimez ce genre de jeu-là, ramasser des items, puis t'approcher des ennemis, puis pas trop vous casser la tête. Là. Oui, il y a des puzzles, là, mais avec les flèches, je veux dire, c'est pas quelque chose que ça va vous prendre une éternité à trouver. Je vous dirais, moi, achetez-le. À 30$, là, c'est un achat, c'est un jeu que vous allez apprécier. Oui, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Parfait. Fait qu'on va passer à la dernière chronique de la soirée, ou de la journée, ou dépendant quand est-ce que vous l'écoutez. Ça va être la dernière chronique pareil. Du podcast. Et voilà. Je vais parler de... C'est la première fois que je parle d'une, qu'on parle d'une télésérie, mais je vais vous parler... On va vous parler de la télésérie Falling Skies. C'est une télésérie que j'ai vu passer, à un moment donné, j'ai vu que quand ça avait sorti aux États-Unis, j'avais commencé à suivre leur compte Twitter, j'avais commencé à aller voir un peu ce que c'était. Quand j'ai vu que c'était produit par Steven Spielberg, ça m'a comme attiré un peu. Titillé serait le bon terme. Steven Spielberg est reconnu quand même pour faire des téléséries qui ont de l'allure. Il a fait une télésérie de guerre et des choses comme ça. Pardon, je vais t'arrêter. Oui. Terra Nova, c'était pourri. Il était-tu impliqué dans Terra Nova? Oui, il était producteur, je pense. Ah, OK. Bon, tu vois, je sais pas. J'ai pas regardé Terra Nova. Fait que... T'as rien manqué. OK. Bon, ben, OK. Fait qu'il... Non, il fait pas juste du bon stock. La preuve, il a été impliqué dans le 4e Indiana Jones. Mais, il peut pas être parfait. C'est sûr que je te dis. Ou on vieillit. Non, mais... Il y a bien des choses dans le 4e Indiana Jones que c'est pas lui qui a décidé. D'accord. Mais c'est ça. Mais ça sera. On en a déjà parlé, je pense. Écoutez les premiers podcasts, il me semble que j'ai parlé de cette de ça. Fait que qui y a dans ça? Ben, ça met en vedette Noah Wyle. C'est les gens qui ont suivi dans le temps la télésérie ER, il faisait un médecin dans cette télésérie-là. Vous allez le reconnaître en voyant son babyface. Il y a vraiment ah. l'air... Tu le connais-tu? Oui, je sais. Je viens juste de cliquer sur sa face sur Internet. Oui, il y a vraiment un babyface dans la télésérie. Il a une grosse barbe, fait qu'il paraît un peu plus vieux, là, mais c'est un gars qui va avoir un éternel look jeune, un peu comme Michael J. Fox. C'est ça, il y a lui... Il y a les autres acteurs, je les connais pas vraiment. Il y a Will Patton, il y a Del Dye, Drew Roy... Puis Moon Bloodgood. Oui, elle, je la connais. Elle t'a connaît. Elle fait un médecin dans cette série-là. Les Japonaises, c'est pour ça. Asiatique. Mm-hmm. C'est ça. Mais si je me souviens bien, je crois qu'elle avait joué dans... C'est pas... J'ai Conan dans la tête, là. Elle a fait un... Le Roi Scorpion ou quelque chose comme ça. Elle a fait un film d'action, en tout cas. Ça là, se peut. Puis elle a joué... Terminator Salvation. C'est ça. Bon. OK, bon. Son nom me dit rien. Merci, Eric. Donc, c'est 10 épisodes de 42 minutes. C'est produit par TNT aux États-Unis, qui est une station qui appartient à Ted Turner. Ça a commencé au mois de juin en 2011 aux États-Unis. Ça a été traduit en France en juillet. Puis, ça a été présenté en France en juillet. Fait qu'eux autres sont chanceux. C'est comme un mois plus tard... que la série a sorti, ils ont réussi à avoir ça en France. Nous autres, ben, on est chanceux. Un an plus tard, ça va commencer à ZTélé le 2 avril. Donc, l'heure, vérifiez l'horaire, là. Mais c'est le 2 avril, ça va commencer. Moi, je vous conseille vraiment de regarder ça. C'est vraiment intéressant. L'histoire, c'est simple. Ça se passe 7 mois après une invasion extraterrestre. La majeure partie de l'humanité est disparue, s'est faite complètement décimée, puis on suit des poches de résistance d'humains qui essayent de reprendre le dessus sur les extraterrestres. Puis ça me fait penser au scénario du jeu Résistance, carrément. Ça, ben, peut-être, mais c'est pas dans le même style. Mais c'est un peu ça, c'est un peu une petite poche de résistance qui essaie de reprendre le dessus. Le style visuel, là, il a été, moi je trouve qu'il a été un peu pris d'un film qu'on a re-regardé dernièrement, qui est Bataille Los Angeles. C'est drôle parce que je regardais la série, je me disais, ça me rappelle des choses. Puis une semaine plus tard, avec Simon, on a regardé Bataille Los Angeles, que moi j'avais vu au cinéma. Puis je regardais les structures, puis l'espèce de structure qui bâtissent, où ce que leur vaisseau atterrisse, puis tout ça. Puis c'est vraiment une structure qui ressemble à ça. Tu veux dire les centres de contrôle? Un là? Centre de contrôle qui est debout. Un moment donné, dans Bataille Los Angeles, il y en a un sous la terre, mais il y en a un moment donné qui est debout, qui est un gros centre. C'est pareil, c'est presque le même. On dirait qu'ils se sont un peu basés là-dessus pour le look de la série. Fait qu'on retrouve Noah qui joue Tom dans le film, pas dans le film, dans la série. Puis ce qui se passe avec lui, c'est que les extraterrestres enlèvent nos enfants pour être esclaves, ils sont implantés, ont une espèce d'harnais dans le dos, puis les extraterrestres les contrôlent totalement. Ils les font travailler, ils les font ramasser du métal, puis des choses comme ça que les extraterrestres se servent pour bâtir leur structure, puis des choses comme ça. Puis on voit les humains qui essayent d'aller récupérer leurs enfants. La plupart des adultes qu'on rencontre dans cette poche de résistance-là ont perdu un enfant aux extraterrestres. Puis là, on s'aperçoit que quand ils les revoient, ben là, ils essayent d'aller les chercher. Ils en capturent certains, réussissent à capturer certains enfants puis les ramener. Puis ce qu'ils s'aperçoivent, c'est quand ils enlèvent l'harnais, les enfants meurent. Ils sont pas capables de les sauver. Le harnais est vraiment ancré dans la colonne vertébrale. Ça crée une espèce de dépendance. Puis quand ils arrachent le harnais, l'enfant meurt automatiquement. Ça crée une espèce de réaction chimique dans le corps. Puis le corps n'est pas capable de supporter. Puis l'enfant meurt. Mais c'est une dépendance comme un narcotique. C'est ça, c'est une dépendance. Fait que là, ils essaient de trouver comment faire pour être capable de sauver leurs enfants. On voit aussi, il y a une petite guéguerre entre certaines factions d'humains. Comme dans si ça se passait dans la vraie vie, ça serait comme ça aussi. Pendant les guerres, il y a du monde qui. Il y a des humains qui se soulèvent contre d'autres humains parce que je veux avoir ta bouffe, je veux avoir ton eau, je veux avoir tes armes. Fait que non seulement il faut qu'ils se battent contre les humains, que les extraterrestres, il faut qu'ils se battent aussi contre d'autres humains pour survivre. Puis là, il y a des gens qui essayent de faire des pactes avec les extraterrestres pour eux autres se faire anéantir. Ou contrôler. Fait qu'il y a un jeu qu'on sait pas trop qui tu peux faire confiance, qui tu peux pas faire confiance. C'est très bien fait pour une série télévisée. Je vous dirais que les extraterrestres, il y a des extraterrestres qu'on appelle les rampants. C'est des bébites un peu araignées qui ont un corps qui ressemble un peu plus humanoïde, là, mais ils ont vraiment plein de pattes comme une araignée. On les appelle les rampants. Il y a des mechas qui sont des bébites à deux pattes, qui sont faites eux autres comme en métal, sont vraiment armés, puis eux autres vont venir, puis si eux autres arrivent, t'as pas grand chance de survivre, là. Ils vont vraiment attaquer, puis ils vont normalement tuer tout ce qui bouge dans le coin. Fait que les humains sont vraiment en danger de mort, là. Sortir, c'est dangereux. Fait que c'est vraiment bien fait. C'est pas quelque chose, des effets spéciaux qu'on va dire, ah oui, ça paraît que c'est pas vrai, c'est vraiment bien fait, le jeu des ombrages puis tout ça, c'est vraiment bien. Fait que je vous conseille le 2 avril, allumez votre télé à ZTélé puis regardez ça, vous allez sûrement apprécier. Moi, mon seul commentaire que j'ai à dire, c'est que les deux premières émissions que tu m'avais fait écouter, je sais pas, j'ai eu le cafard. Je m'étais dit, là, si ça arriverait, là, Moses, que j'aimerais être une de celles qui meurent en premier. Ouais. C'était démoralisant, puis je voulais même pas continuer la série parce que je trouvais ça vraiment, là, réaliste, puis démoralisant. Donc, après la deuxième émission, par contre, j'ai embarqué, puis là, j'avais hâte de pouvoir écouter les autres. Là. Ouais. Mais les deux premières ont été mes pires. Ça m'avait fait ça, moi, avec la première de Dexter. OK. La première de Dexter, c'était Je pense que c'est l'épisode le plus sanglant de la série. En tout cas, des trois saisons que j'avais écoutées, j'avais trouvé que ça commençait vraiment rough. Puis je m'étais demandé si j'allais écouter le deuxième. Puis après ça, t'es embarqué dans l'histoire. Bon, après ça, j'ai embarqué. C'est ça. Mais c'est la même chose, je me suis dit, je regardais la première, puis on s'est regardé, puis on s'est dit, pas sûr, tu sais. C'est vraiment... C'est rough en partant, là. Ouais, puis c'est pas science-fiction... C'est vraiment, ils ont fait ça terre à terre. Là. Ils n'ont pas fait ça genre, on a des fusils laser. C'est, puis ça, on c'est a, vraiment réaliste. On se débrouille avec les moyens du bord. Là. Il reste des autos. Il faut qu'ils cherchent du gaz, de l'essence. Il n'y en a plus partout. À la chaque bouffe. Fois, de la bouffe, la plupart des épiceries ont été déjà vidées. Fait qu'il faut qu'ils s'aventurent. C'est des guet-apens. Parce qu'il y a... La plupart des épiceries ont été vidées, fait qu'il faut qu'ils s'aventurent dans des places où ce qui n'aurait pas été normalement, ou à des places qu'ils savent qu'ils n'ont pas été voir pour trouver de la nourriture. Mais là, à chaque fois qu'ils vont à quelque part, ben où il y a de la nourriture, où il y a de l'essence, il y a des rampants, où il y a des mécas qui les attendent parce qu'ils veulent juste les éliminer. Puis ils savent que pour survivre, les humains ont besoin de médicaments, de manger, puis d'essence pour pouvoir faire marcher leurs autos puis ces choses-là. Donc, ils ont pris le temps d'analyser avant de commencer à vouloir coloniser. Ouais, ils savent où nous ramasser. Puis, fait c'est ça. Il y a beaucoup d'épisodes où ils vont partir chercher de l'essence pour faire marcher des motos, parce qu'en moto, ils sont capables d'aller voir plus loin pour voir si les rampants sont là ou si ils approchent pour attaquer qu'ils allaient à pied. Ils vont chercher les médicaments parce qu'ils ont des malades, puis il y a une femme enceinte, puis ils ont besoin de médicaments pour être capable de soigner, puis ils ont besoin de nourriture. Fait qu'ils vont, dans le premier épisode, ils cherchent une épicerie, puis quand ils arrivent à l'épicerie, ils repartent les mains vides parce qu'ils se font attaquer en partant. Et des membres en moins. Et puis souvent des membres en moins aussi. Fait que c'est vraiment prenant. Puis oui, comme Annick dit, le premier épisode, il est vraiment comme... Ça vous met en pleine face que, OK, peu probable des extraterrestres, là, mais s'il fallait qu'il y ait quelque chose de majeur, une guerre comme une guerre mondiale ou quelque chose comme ça, puis que la plupart de nos infrastructures sont ce qu'on est habitué de voir serait détruit, ça serait probablement quelque chose comme ça qui se passerait, puis c'est vraiment réaliste de ce côté-là. La prémisse de se faire envahir par des extraterrestres l'est moins, mais la manière que c'est véhiculé, ce qui se passe, c'est très, très réaliste. Puis c'est ça qui est difficile, c'est de voir le gars, Tom, qui a perdu son enfant, mais qui en reste deux autres. Mais là, il a tellement peur de perdre ses deux autres enfants parce qu'il en a déjà perdu un, puis il veut pas perdre l'autre. Mais son plus vieux, qui a 16 ans, est dans l'armée avec lui. Dans ça, c'est un peu comme dans certains pays. À 13 ans, les enfants ont une mitraillette avec eux autres, puis sont dans l'armée pour défendre le restant de la poche de résistance, qu'il y a des civils puis qu'il y a de l'armée dedans. Puis t'as l'armée qui dit ben des civils, c'est eux autres qui nous ralentissent, mais la partie civile disent oui, mais sans nous autres, c'est nous autres qui vous faites à manger, c'est nous autres qui gardent l'endroit viable pendant que vous autres vous êtes partis pour défendre ou pour trouver quelque chose. T'sais, fait qu'ils ont chacun leur côté. Fait que Tom, lui, il est vraiment la voix de la résistance, mais civile. Puis il y a Mason. Mason. C'est Mason? Le capitaine Mason. Weaver. Weaver Mason. Qui est qui est vraiment le colonel de l'armée, que lui, il dicte comment ça va aller. Capitaine Mason. Puis s'il dit moi, je vais aller chercher. Comment il voit son fils, puis il dit moi, je vais aller sauver mon fils. Puis l'autre, il dit non, ta priorité, c'est trouver des médicaments. Puis un coup, tu as retrouvé les médicaments, tu reviendras m'y porter. Puis si tu veux, après ça, tu iras chercher ton fils. C'est lui qui dit comment ça fonctionne. Fait que il y a des choix moraux, c'est pas toujours facile. Mais c'est excellent comme télésérie. La deuxième saison va arriver aux États-Unis au mois de juillet, si j'ai bien marqué. Prochaine série, 17 juin 2012 à TNT aux États-Unis. C'est une série d'été. Oui, c'est une série d'été. J'imagine en France, ils vont être chanceux puis ils vont l'avoir aux alentours du 5-6 juillet. Puis nous autres, ben, ça va aller en 2013. C'est ça. Est-ce que la première saison est disponible en DVD? Elle est sortie, mais à ce que je sache, il n'y a pas de piste française dessus. Parce qu'on est toujours pénalisés, nous autres. Puis là, je mets pas ça sur la faute de ZTélé ou personne, là, mais la plupart des téléséries, nous autres, on est en retard. C'est incroyable. Là. On est en retard d'au moins une saison sur la France, puis des fois une à deux saisons sur les États-Unis. C'est que souvent, les Européens ou la France vont ramasser la télésérie presque la même année que c'est fait. Ils vont traduire ça, ils vont présenter ça à la télévision. Puis nous autres, ça va prendre un an de plus avant qu'on ait ça ici. Si je regarde... Mais c'est une question de droit aussi et autres. Là. C'est une question de droit, mais me semble que ça devrait être plus facile. Ils parlent de plein de manières d'essayer d'enrayer le piratage des émissions de télé puis des films, des choses comme ça. Puis me semble la base de ça, c'est de t'arranger pour que la télésérie soit disponible, passe à la télévision le plus vite possible. Ou partout en même temps. Ben, c'est ça, parce, pas loin de partout. Parce que là, tu regardes, mettons, je vais prendre un exemple, il y a certaines téléséries qu'on suit, CSI Miami. CSI Miami aux États-Unis sont rendus à la saison 10. En France, ils ont commencé à traduire la saison 10. Je pense qu'ils sont rendus à 3 épisodes présentés à la télévision. Nous autres, je pense que Série Plus va présenter la saison 9 à l'automne. Fait qu'on est une saison en retard sur la France, puis sur les États-Unis dans ce cas-là aussi. Smallville, c'est une télésérie. Ça, Smallville, c'est probablement le pire exemple à donner pour que ce qu'un studio pourrait faire. C'est Warner qui fait ça. Ils nous ont présenté la saison 1 de Smallville avec l'espèce de pilote. Ils ont sorti le coffret presque tout de suite, track, piste française, anglaise, toute l'équipe. Puis à un moment donné, ils ont décidé que la deuxième saison, ils sortaient plus de coffret avec la piste française. C'était, je pense, saison 2 et 3. Dans ce temps-là, ils ont juste sorti avec des pistes anglaises. Parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui achetait. Fait que ça, c'était pas rentable pour payer pour le doublage. C'était doublé en France, c'était disponible. Mais là. Mais au Canada, on n'était pas capable d'avoir les coffrets avec les pistes en français. Ouais, la différence aussi, c'est si un show passe sur un poste. Un poste standard, là, comme ABC ou NBC aux États-Unis, mais on peut le voir en anglais ici au Canada parce que ces postes-là sont disponibles sur le câble. Sûr, c'est sûr. C'est quand ils sont sur TNT ou. Comment ça s'appelle un autre Movie Channel, Super Channel. Puis moi j'écoute une série qui s'appelle Psych. Ça passe juste sur Super Channel. Puis c'est un poste payant. C'est comme un super écran aux États-Unis. Ok. Ou HBO. Donc ouais. Donc ça, non seulement tu sais c'est comme payant, fait qu'en plus ils vont attendre longtemps avant de sortir les DVD. Mais avant que ça soit disponible ici, c'est comme oublie ça. Bien sûr. Les trucs sur la HBO, là, qui est comme super, une des postes les plus populaires, ben le HBO Canada, c'est même pas les mêmes horaires. Tu sais. Non. Tout est décalé. Puis je sais même pas pourquoi ils font ça, parce que c'est pas comme si ça volait un marché. Tu sais, c'est leur propre poste au Canada. D'après moi, c'est juste une question de ils veulent pas que leur émission soit en même temps qu'une autre émission plus populaire ici, t'as un autre poste, je sais pas, mais. Okay. C'est vraiment bizarre, surtout du côté anglophone, parce que c'est sûr que s'il faut que tu la traduises, il faut que tu leur donnes une couple de semaines. Bon, mais du côté anglophone, je comprends même pas des fois pourquoi que c'est pas disponible en même temps. Ou dans le pire des cas, sur leur site web propre à eux, ils pourraient l'offrir en téléchargement en français. Là. Si ça vient de France, tout ça, ben garde, mettez-le disponible partout où on peut le télécharger puis tu payes. Merci. Ouais, mais ça, c'est des questions de droit, puis disons, là, ça, puis de droit au Canada. Ça. C'est vraiment. C'est une des pires affaires. Mais moi, vraiment, ce que je voulais en venir avec ça, c'est juste comme Warner a fait ça avec Smallville, MGM a fait ça avec c'est quoi la série Stargate, La Porte des Étoiles, c'est qu'ils ont sorti deux coffrets, un coffret en français, deux coffrets en français, puis après ça, ils décident qu'ils sortent juste les coffrets en anglais. Mais c'était la mode où ce que les DVD sortaient pas toujours avec des pistes françaises. À Star, c'est rare, mais avant, ça arrivait souvent. Fait que, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu dis à tes clients, voilà, voici Smallville saison 1, le gars l'achète, puis un de mes amis, c'était ça, il l'avait acheté, il commence à regarder la saison, tout ça, le coffret 2 sort, pas de piste française, le coffret 3 sort, pas de piste française, quel genre de message t'envoies à ta clientèle en disant, ça nous a fait plaisir de te vendre le coffret de la saison 1, Mais pour les autres, étouffe-toi. Parce qu'il n'y avait pas eu de quoi, comme quoi qu'au Québec, maintenant, c'est comme pour les jeux qui forcent à être en français. Fait que là, ils vont dire, garde à la place, ben garde, j'achète pas. Fait que moi, je vais les garder en anglais, puis ça me tente pas de le mettre en français. Merci, bonsoir. Ben, le compromis pour la langue, je pense, au Québec, c'était qu'au moins, il y avait le livret d'instruction, puis que la pochette soit en français, même si le jeu n'était pas disponible en français. Je suis plus sûr, là. Il y avait quelque chose. Alors, je pense que c'était pour une durée limitée, le compromis. C'était comme pour un an, le temps que... Oui, mais présentement, la loi, c'est que si c'est disponible en français dans un autre marché, il faut que ça soit disponible ici à la vente. C'est-à-dire que si un jeu est disponible en France, en français, mais pas en Amérique du Nord, il faut qu'ils le mettent en français s'ils veulent le vendre au Québec. Mais ça, j'ai jamais compris. Mais... C'est une autre affaire. J'ai jamais compris, tu sais, comme, admettons, Binary Domain, il y a comme 6 langues sur le CD, tu sais. Okay. Fait que tu n'imprimes un puis tu le vends partout, tu sais. Il me semble que c'est pas... Je sais pas, il me semble que c'est plus simple, mais... C'est pas sorcier. Non, ça devrait pas. C'est ça. Mais il complique les choses. En tout cas, c'est vraiment ça qui est un peu plate. Mais probablement que ça, Falling Skies, ben la série est sortie ou va sortir bientôt en DVD puis en Blu-ray. Mais vu que au Québec, ça n'a pas encore passé à la télévision en français, mais là, ils vont laisser le temps à la série de passer à la télévision, puis probablement qu'on va avoir le droit à un coffret bilingue, j'imagine, peut-être au printemps. Ils vont finir par sortir le coffret pareil. Parce que Smallville, c'est ça qu'ils ont fait. La saison 9 n'était pas disponible au Québec en français jusqu'à temps qu'elle passe à la télévision. Puis après ça, ils ont sorti un coffret saison 9 anglais-français. Je l'ai acheté. T'es même pas obligé de pirater. Hein. Ces séries-là, ça va sur un beau site qui s'appelle eBay. Puis tu peux tout acheter ces affaires-là, même si c'est pas disponible dans les magasins. Ouais, c'est sûr. Mais quelqu'un qui veut garder ça puis encourager les commerces locaux, là, mettons, c'est ça qui est plate un peu. Puis comme là, puis Smallville, c'est un autre pas bon exemple. C'est vrai que TV le présentait, puis à un moment donné, ils ont décidé que bon, c'est fini. Fait qu'il restait une saison. Je pense qu'ils ont décidé, après 2 ans, ils ont décidé de présenter la saison 9. Puis là, ben, je pense que la saison 10, ils n'ont peut-être même pas l'intention de la présenter. Fait qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui suivait la série, qui ne l'écoute pas nécessairement en anglais, qui ne pourront pas la regarder, à moins qu'ils aillent par des manières X, ça veut dire de le télécharger piraté. Puis c'est ça un peu que ça encourage, c'est ça qui est plate, mais c'est ça un peu que ce modèle-là encourage. Les compagnies sont souvent comme ça. À cette heure, c'est comme NBC aux États-Unis qui présentait V. Ça s'est présenté à VTL présentement. C'est la deuxième saison et dernière parce que NBC ont décidé que les cotes d'écoute n'étaient pas assez bonnes, fait qu'ils ont décidé d'arrêter la série. Mais quand ils ont tourné la saison 2, ils étaient supposés en avoir une troisième. Fait que les gens qui écoutent V à VTL, le dernier épisode, c'est vendredi soir prochain. Le podcast va être sorti, vous allez pouvoir l'écouter. Ben, ça finit pas. Ça te laisse sur le fait que t'es supposé avoir une troisième saison. Mais tu l'auras jamais. Mais à moins qu'il y ait des rumeurs qui diraient que TNT, qui a Falling Skies, ramasserait V et ferait une troisième saison. Mais sinon, ça va finir comme ça. Puis on n'aura jamais la fin de la série parce que ça a été cancellé avant d'être terminé. Mais c'est pareil comme les animés, là. Comme je te disais, là, les épisodes, des fois, tout est prévu, puis après 2-3, ils voient que ça pogne pas ou ils décident, ou ils coupent, là, c'est fini, là. C'est sûr. T'as pas de contrôle là-dessus, puis là, tu dis, coudonc, j'adorais ça, là. J'étais parti, j'étais dedans. Regarde, on n'a pas de contrôle là-dessus. Non, mais je parlerais pour une télésérie qui a fait quand même 2 saisons. Il y avait quand même pas mal de monde qui écoutait ça, mais aux États-Unis, si t'as pas 30 millions de monde qui écoutent de personnes qui écoutent ça, pour eux autres, c'est un flop complet. Mais ils devraient au moins avoir. Mais c'était comme Merlin aussi, ça a failli arrêter, là. Ça a été repris, une chance. Mais là, ils vont le faire, mais peut-être qu'ils vont terminer. Smallville, ça a été la même chose. Ils ont presque cancellé la série, mais ils ont décidé de finir ça vraiment avec 10 saisons, puis on ferme l'histoire, c'est correct. Mais quelque chose comme V, il devrait au moins dire, bon, mais regarde, on vous fera pas une autre saison complète. On vous donne 2 heures pour fermer l'histoire. Faites-nous un film de 2 heures, un téléfilm de 2 heures. Ça, je suis d'accord. Fermez l'histoire. Oui, je suis d'accord. Il devrait pas laisser le monde sur leur fin avec une histoire à moitié finie. Fermez l'histoire. Prenez 2 heures, faites un téléfilm, Ça n'a pas fait aucun forum là, où il y a eu des flames là-dessus? Oui, il y a du, tollé un peu. Il y a des fans de la série, mais pour... C'est un peu comme le monde qui roule certains studios de jeux vidéo. Ils connaissent rien là-dedans. Ça ne veut pas dire que le gars qui est le grand boss de chez NBC connaît ça. Des shows de science-fiction, pour eux autres, c'est peut-être le dernier de leurs soucis. Ils aiment ça voir des shows, des comédies, puis des drames, puis des affaires comme CSI en 12 saveurs différentes. Puis NCIS en 12 saveurs différentes, c'est la même affaire, c'est des enquêtes policières, ça coûte probablement rien à faire en fait d'effets spéciaux. Tandis qu'un programme comme V ou Falling Skies, je veux dire, quand t'amènes des extraterrestres, t'as pas le bien choix, hein? ça te prend des effets spéciaux, puis c'est ça qui coûte cher. Mm-hmm. C'est pas nécessairement l'acteur que tu payes à faire semblant, c'est de créer les bébites artificielles par ordinateur qui coûte cher. Comme les Tortues Ninja qui s'en viennent bientôt. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu plate, mais on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais, fait que pour le monde qui aimait V, ben, si vous le saviez pas, je suis désolé de vous apprendre que. C'est pas V pour victoire. Ça se termine à l'épisode numéro 10. Mais Falling Skies. Ça s'en venait bon. Puis Falling Skies, ben, il va y avoir une deuxième saison. Puis c'est fait par quelqu'un qui a les reins solides, au moins Spielberg. Il devrait avoir son mot à dire pour... Ouais, peut-être le foie qui commence à souffrir un peu. Mais... fait que, écoutez ça, le 2 avril, Z-Télé. Yeah! Yeah! Tu pognes ça, Z-Télé, dans ton coin, toi? Est-ce que j'ai Z-Télé? Oui. Bon, ben. Avec mon super package post-français sur... la télé TELUS. Bon, fait que t'écouteras ça. Je pense que le seul pas, je pense que j'ai pas, c'est V. Ah. Ben c'est un pas généraliste, là, mais je l'ai. Non, ben, je pense que j'ai pas V. V, à part V, puis la guerre des clans, tu manques pas grand-chose. Le poste d'Anne-Marie Lozic? Je sais pas. Fait que on va terminer là-dessus. Je vais juste donner une petite mise à jour sur le défi tête rasée. On a eu un changement d'endroit où ça va se passer. J'ai eu un beau petit courriel de la municipalité de Saint-Zotique. Puis c'est pas négatif, c'est positif. Ils nous invitent à faire partie de la journée de la famille qui est le 3 juin. En passant, si vous avez écouté le dernier podcast, au début, j'avais fait une petite édition. J'avais dit le 6, mais c'est le 3. J'avais édité au début pour vous dire que quand je disais le 6, remplaçais ça virtuellement par le 3. Donc, le 3 juin... Super 3 jours! C'est la fête, la journée de la famille. Donc, on va être à l'extérieur, au parc du millénaire Desjardins. Puis, on va faire partie de la fête. Là, c'est là que les rasages vont avoir lieu. Donc, je travaille encore là-dessus. Quand je vais avoir d'autres nouvelles, je vais vous les communiquer. Si ça vous intéresse de venir faire un tour, je sais qu'il va y avoir des festivités, vu que c'est la journée de la famille, justement. Il va y avoir des choses à faire à Saint-Zotique. Des hot dogs! Des hot dogs. J'essaie moi-même d'avoir des hot dogs. Je pense que la municipalité n'a pas pensé à ça. Ça se passe, c'est entre 13h et 16h. Fait qu'entre 1h puis 4h de l'après-midi. Je pense qu'ils se sont dit que l'heure des hot dogs serait probablement entre midi puis 1h, puis ça serait passé, mais je veux essayer de vendre des hot dogs pareil. Fait que je suis en train de travailler là-dessus, voir si y a toujours quelqu'un qui a faim pour manger un hot dog dans ces places-là. De toute façon. Des petits beignes sucrés. Non, peut-être, ouais, mais des petits beignes sucrés, on verra. Les hot dogs. Ok, tu... je vais me les amener. Tu les amèneras demain en pleurant pour que ta perte de cheveux. C'est cela. Fait que c'est ça, on va essayer d'avoir ça. Il va y avoir des activités. Fait que si ça vous tente de vous déplacer à Saint-Zotique, qui est un très beau coin, si vous n'êtes jamais venu dans le coin, ça vaut la peine. On est juste sur le bord de la rivière Saint-François. Là, c'est un beau petit coin. Il y a des belles petites maisons. Des petites. Il y a des maisons à 2 millions, 3 millions sur le bord de l'eau. Puis les maisons ordinaires où ce que nous autres, on reste. fait que si vous voulez venir faire un tour, vous serez les bienvenus. Venez nous rencontrer. On devrait enregistrer probablement un podcast sur place. Je ne sais pas si ça va être sous le nom avec les tondeuses à cheveux en bruit de fond. Ouais, on va essayer de tenir les tondeuses loin des micros, là. Mais ça va être soit un podcast de Geekbécois ou soit un CGUAP spécial avec du monde de Geekbécois. Parce qu'il va y avoir Steve Desguerry aussi qui se fait raser la tête avec moi et Simon ici. Hey, hey. Mais il veut pas que moi j'y participe. J'ai pas dit que je voulais pas. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Hein? Mais... Tu rases ou tu te fais raser? Ben, j'aurais été me faire raser. Mm-hmm. Moi, fait... Toute la tête. Woohoo! Ça me dérangerait pas. Ben, c'est... ça repousse des cheveux. Hey, c'est, oui. pas, c'est pas si, si, si critique que ça. Dans mon cas, je suis sûr, mais. Non, mais toi, pour toi, on verra pas. Pour toi, on verra pas la différence. Fait que ça va être quelque chose d'intéressant. Fait que je travaille sur les détails. Je vais vous tenir au courant que vous le veuillez ou pas. À la fin du podcast, à chaque podcast, je vais donner des petites nouvelles s'il y en a, en espérant que ça aille bien. Pour les fonds, ben ça va lentement. J'ai pas beaucoup de dons nécessairement qui rentrent. J'espère que ça va sur place, qu'il va y avoir des gens qui vont donner un peu ici. Là. Mais à date, j'ai... Si je calcule pas le 715 qui est calculé dans le montant total du tirage de l'année passée, j'ai 60$ de ramasser. Fait que j'ai 6 personnes qui ont donné 10$. Mais au moins demain, on va aller prendre une belle petite photo. Ouais, demain, on va prendre une photo. On la mettra sur Facebook, on la mettra sur Twitter. Puis ça va aller dans, dans un journal local. Il y a l'info du Suroît. J'ai parlé, j'ai échangé avec un journaliste qui est Jean-Pierre Major, qui semble bien sympathique, qui va nous faire une petite publicité dans son journal, qui est un journal en ligne. Fait que infodusuroi.com, je pense, ou googlez ça, vous allez trouver ça. Puis vous allez voir un petit article avec nos jolis minois. Avec cheveux. Avec cheveux, ouais, jolis minois, non, ok. Nos minois avec cheveux. Si vous voulez voir ça, ça va être là-dessus. Donc, c'est pas mal ça. On va fermer ça pour ce podcast-ci. On se retrouve fin avril. Puis d'ici là, peut-être 2 semaines, il devrait avoir un nouvel épisode ou un nouvel chapitre d'Histoire de Gamer avec Tristan Geoffroy. Donc là-dessus, on se laisse et on se reparle la prochaine fois. Au plaisir. Adieu. Adieu. Bye.